premier livre des chroniques. Adam, Seth, Enos, Caïnan, Malaléel, Jared, Enoch, Mathusalée, Lamech, Noé, Sem, Cam et Japhet. Fils de Japhet, Gomer et Magog et Madaï et Javan, Tubal, Mozoc, Tiras. Fils de Gomer, Asénès et Riphat et Togorma. Fils de Javan, Elisa et Tarsis, Sétim et Dodanim. Fils de Cam, Cus, Mesraïm et Phut et Canaan. Fils de Cus, Saba et Evila, Sabata et Regma et Sabataka. Fils de Regma, Saba et Dadan. Cus engendra Nemrod et celui-ci commença à être puissant sur la terre. Mesraïm engendra Ludim et Anamim et Laabim et Neftuim, Phétrusim et Caslubim, d'où sont sortis les Philistins et Caphtorim. Canaan engendra Sidon, son aîné, et ensuite les Hétéens, les Jébuséens, les Amoréens et les Gergéséens, les Évéens, les Araséens, les Sinéens, les Aradiens, les Samaréens et les Amathéens. Fils de Sem, Élam, Assur, Arphaxad, Lud, Aram, Us, Ul, Jeter et Mozoc. Arphaxad engendra Salé, qui fut père d'Héber. Héber eut deux fils, dont l'un fut nommé Phaleg, parce que la terre fut divisée de son temps, et le nom de son frère est Jectan. Jectan engendra Elmodad, Salef, Azarmoth et Jaré, avec Adoram, Uzal et Dekla, comme aussi Ebal, Abimael et Saba, et encore Ophir, Evila et Jobab. Tous ceux-là étaient fils de Jectan. Sem engendra donc Arphaxad, Salé, Héber, Phaleg, Ragahu, Serug, Nakor, Taré, Abraham. Celui-ci est le même qu'Abraham, fils d'Abraham, Isaac et Ismaël. Et voici leur postérité. Ismaël eut Nabaïoth, l'aîné de tous, Sédar, Adbeel, Mabsam, Masma, Duma, Massa, Hadad et Théma, Jétur, Naphis, Sedma. Ce sont là les fils d'Ismaël. Les fils qu'Abraham eut de sa seconde femme, Sétura, furent Zamran, Jexan, Madan, Madian, Jesbok et Sué. Les fils de Jexan furent Saba et Dadan. Ceux de Dadan, Assurim, Latusim et Laomim. Les fils de Madian sont Epha, Epher, Enoch, Abida, Eldaa. Tout cela était enfant de Sétura. Abraham engendra donc Isaac, qui eut deux fils, Ésaü et Israël. Fils d'Ésaü, Éliphaz, Raël, Jéhus, Hiélom et Coré. Fils d'Éliphaz, Téman, Omar, Séphi, Gatam, Sénèz, Tamna, Amalek. Fils de Raël, Nahat, Zara, Sama, Meza. Fils de Séhir, Lotan, Sobal, Sébéon, Anna, Dizon, Ézer, Dizan. Fils de Lotan, Ori et Omam. Or la sœur de Lotan était Tamna. Fils de Sobal, Alian, Manaat, Ebal, Séphi et Onam. Fils de Sébéon, Aya et Anna. Fils d'Anna, Dizon. Fils de Dizon, Amraham, Ézéban, Jétran et Caran. Fils d'Ézer, Balaan, Zavan, Jacan. Fils de Dizan, Us et Aran. Voici les rois qui régnèrent au pays d'Édom avant qu'il y eût un roi établi sur les enfants d'Israël. Balé, fils de Béor, dont la ville s'appelait Dénaba. Balé étant mort, Jobab, fils de Zaré, de Bosra, régna à sa place. Après la mort de Jobab, Uzam, qui était du pays de Téman, régna à sa place. Uzam étant mort aussi, Hadad, fils de Badad, régna à sa place. Ce fut lui qui défit les Madianites dans le pays de Moab. Sa ville s'appelait Avit. Après la mort d'Hadad, Semla, qui était de Masreka, régna à sa place. Semla étant mort aussi, Saül de Rehoboth, ville située sur le fleuve, régna après lui. Et après la mort de Saül, Balanan, fils d'Acobor, régna à sa place. Celui-ci mourut aussi, et Hadad régna à sa place. Sa ville s'appelait Fahu, et sa femme se nommait Mehetabel, fille de Matred, qui était fille de Mézaab. Après la mort d'Hadad, le pays d'Édom n'eut plus de roi, mais des gouverneurs. Le gouverneur Tamna, le gouverneur Alva, le gouverneur Jetet, le gouverneur Oholibama, le gouverneur Ella, le gouverneur Finon, le gouverneur Sénèse, le gouverneur Téman, le gouverneur Mapsar, le gouverneur Magdiel, le gouverneur Hiram. Ce furent là les gouverneurs d'Édom. Or les fils d'Israël furent Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, Gad et Aser. Fils de Juda, Er, Onan et Séla. Il eut ses trois fils d'une cananéenne, fille de Sué. Mais Er, qui était l'aîné de Juda, fut méchant en la présence du Seigneur et Dieu le frappa de mort. Tamar, belle-fille de Juda, eut de lui Pharez et Zara. Juda eut donc en tout 5 fils, fils de Pharez, Esron et Amul. Les fils de Zara furent au nombre de 5, Zamri, Étan, Éman, Kalkal et Dara. Fils de Carmi, Akar, qui troubla Israël et pécha par un larcin de l'anathème. Fils d'Étan, Azarias. Fils qui naquirent d'Esron, Jéraméel, Ram et Kalubi. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson, prince des fils de Juda. Naasson engendra aussi Salma, duquel est issu Boaz. Or Boaz engendra Obed, lequel engendra Isaïe. Isaïe eut pour fils aîné Eliab. Le second fut Abinadab, le troisième Simaa, le quatrième Nathanaël, le cinquième Rabdaï, le sixième Azom et le septième David. Leurs sœurs étaient Sarvia et Abigaïl. Fils de Sarvia, Abisaï, Joab et Azaël. 3. Abigaïl fut mère d'Amasa, dont le père était Jéter l'Ismaélite. Or Caleb, fils d'Esron, épousa une femme qui se nommait Azuba, dont il eut Jériot. Et ses fils furent Jazer, Sobal et Ardon. Mais après la mort d'Azuba, Caleb épousa Ephrata, qui lui enfanta Ur. Ur engendra Uri, et Uri engendra Bézéléel. Ensuite, Esron prit pour femme la fille de Makir, père de Galaad. Il avait 60 ans quand il l'épousa, et il eut d'elle Ségub. Ségub, de son côté, eut pour fils Jaïr, et il posséda 23 villes dans la terre de Galaad. Et Jessur et Aram prirent les villes de Jaïr, et Canat avec les villages de son ressort, 60 villes. Tout cela était fils de Makir, père de Galaad. Après la mort d'Esron, Caleb épousa Ephrata. Mais Esron avait eu encore une femme nommée Abia, de laquelle il eut un fils nommé Azur, qui fut père de Tekua. Jéraméel, premier-né d'Esron, eut pour fils aîné Ram, et ensuite Buna, Aram, Azom et Akia. Et Jéraméel épousa encore une autre femme, nommée Atara, qui fut mère d'Onam. Ram, fils aîné de Jéraméel, eut aussi pour fils Moos, Jamin et Akar. Onam eut pour fils Séméi et Jada. Fils de Séméi, Nadab et Abizur. Abizur épousa une femme nommée Abigaïl, de laquelle il eut Aoban et Molid. Nadab fut père de Saled et d'Aphaïm, mais Saled mourut sans enfant. Aphaïm eut un fils nommé Jési, qui engendra Sézan, et Sézan engendra Olaï, fils de Jada, frère de Séméi, Jéter et Jonathan. Jéter mourut aussi sans enfant. Mais Jonathan eut Phalet et Ziza. Voilà quels ont été les fils de Jéraméel. Pour Sézan, il n'eut point de fils, mais des filles, et un esclave égyptien nommé Jéraa, à qui il donna sa fille en mariage, et elle lui enfanta Étéi. Étéi engendra Nathan, et Nathan engendra Zabad. Zabad engendra Ophlal, et Ophlal engendra Obed. Obed engendra Jéhu, et Jéhu, Azarias. Azarias engendra Élès, et Élès Élasa. Élasa engendra Sisamoï, et Sisamoï engendra Sélum. Sélum engendra Ikamia, et Ikamia Élisama. Fils de Caleb, frère de Jéraméel, Mesa, son aîné, prince de Ziph, et les fils de Maresa, père d'Hébron. Fils d'Hébron, Coré, Taphoa, Ressem et Sama. Sama engendra Raham, père de Jerkaam, et Ressem engendra Samaï. Samaï eut un fils nommé Mahon, et Mahon fut père de Bethsur. Or, Epha, seconde femme de Caleb, enfanta Aran, Moza et Jézèse. Et Aran eut un fils nommé aussi Jézèse, fils de Jahadaï, Régom, Joatan, Jézan, Phalet, Epha et Saaph. Maka, autre femme de Caleb, lui donna Saber et Tarana. Mais Saaph, père de Madmena, engendra Sué, père de Magbena et de Gaba. Caleb eut aussi une fille nommée Aksa. Ceux-ci furent fils de Caleb, fils de Hur, fils aîné d'Ephrata, Sobal, père de Kariat-Yarim, Salma, père de Bethléem, Arif, père de Beth-Gader. Or, Sobal, père de Kariat-Yarim, qui jouissait de la moitié du pays où il demeurait, eut des fils. Et des familles qu'ils établirent dans Kariat-Yarim sont descendus les Jétréens, les Aphutéens, les Sématéens, les Mazéréens, desquels sont aussi venus les Saraïtes et les Estaolites. Les fils de Salma furent Bethléem et Netophati, la gloire de la maison de Joab, et à la moitié du pays, que l'on nommait le lieu de repos, fut habité par les descendants de Saraï. Il y faut joindre les familles des docteurs de la loi qui demeurent à Jabès et qui vivent sous la tente où ils chantent avec la voix et sur leurs instruments. Ce sont eux qu'on nomme Cinéens qui sont descendus de Calor, chef de la maison de Récab. Voici les fils de David qui lui naquirent à Hébron. L'aîné fut Amnon, fils d'Akinoam de Jezraël. Le second Daniel, fils d'Abigaïl du Carmel. Le troisième Absalom, fils de Maaca, qui était fille de Tolmaï, roi de Gessur. Le quatrième Adonias, fils d'Agit. Le cinquième Saphatias, fils d'Abital. Le sixième Jétraham, fils d'Egla, sa femme. Ainsi, David eut 6 fils à Hébron, où il régna 7 ans et demi. Mais il régna 33 ans à Jérusalem. Et les fils qui lutent à Jérusalem furent Simaa, Sobab, Nathan, Salomon. Tous 4 fils de Bethsabée, fille d'Amiel. Il eut encore Gébar et Élisama, Éliphalet, Nogé, Népheg et Japhia, comme aussi Élisama, Éliada, Éliphelet, c'est-à-dire 9. Ce sont là tous les fils de David, outre les fils de ses concubines. Et ils eurent une sœur nommée Tamar. Or Salomon fut père de Roboam, qui eut pour fils Abia, lequel engendra Asa, duquel est né Josaphat, père de Joram, qui engendra Ocosias, et de celui-ci naquit Joas. Joas eut pour fils Amasias, père d'Azarias. et le fils d'Azarias fut Joatan, qui engendra Akaz, père d'Ézéchias, qui eut pour fils Manassé. Manassé engendra Amon, père de Josias, dont les fils furent Johanan l'aîné, le second Joachim, le troisième Sédécias, le quatrième Sélom. De Joachim sont venus Jéconias et Sédécias. Les fils de Jéconias furent Azir, Salathiel, Melkiram, Fadaya, Sénézer et Jessémia, Sama et Nadabia. De Fadaya sont venus Zorobabel et Séméi. Zorobabel engendra Mosola et Anani, et Salomite leur sœur, et encore ses cinq autres, Azaban, Ohol, Barakias, Azadias et Josabézed. Ananias eut pour fils Phaltias, qui fut père de Jeseias, dont le fils nommé Raphaïa fut père d'Armand, duquel est venu Obdia, qui eut pour fils Sékénias. Le fils de Sékénias fut Séméia, duquel sont sortis Atus, Jégaal, Baria, Naharia et Saphat, 6 en tout. Naharias eut 3 fils, Elioénaï, Ézéchias et Ezricam. Eliosénaï en eut 7. Oduya, Eliasub, Phéléa, Akub, Johanan, Dalaya et Anani. Fils de Juda, Pharez, Esron, Carmi, Ur et Sobal. Raïs, fils de Sobal, engendra Jahat, père d'Ahumaï et de Laad, d'où sont sortis les Saratites. Voici encore la postérité des Tam. Jezraël, Jezéma et Jédébos, qui eurent une sœur nommée Azalelphuni. Phanuel fut père de Jédor et Ézer, père d'Oza. Ce sont là les descendants de Ur, fils aîné d'Ephrata et père de Bethléem. Assur, père de Tekoa, eut 2 femmes, Alaa et Nahara. De Nahara, il eut Ozam et Éfer, et les Thémaniens et les Aastariens, qui sont tous descendus de Nahara. Fils de Alaa, Séret, Isaar et Ethnan. Kos engendra Anob et Zoboba, et la famille d'Aharéel, fils d'Arum. Mais Jabès devint plus illustre que ses frères, et ce fut sa mère qui lui donna le nom de Jabès en disant « C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur ». Or Jabès invoqua le Dieu d'Israël en disant « Seigneur, si vous répandez sur moi vos bénédictions, et si vous étendez mes limites, et si votre main est avec moi, et si vous faites que je ne succombe pas sous la malice des hommes ». Et Dieu lui accorda ce qu'il lui avait demandé. Caleb, frère de Sua, engendra Maïr, qui fut père d'Eston. Eston engendra Betrapha, Fessé et Teïna, qui fut le père de la ville de Naas. Ce sont là les hommes de Réka. Sénèse eut pour fils Othoniel et Saraya. Othoniel fut père d'Atat et de Maonati. Maonati engendra Ophra, Saraya engendra Joab, le père de la vallée des ouvriers, car il y avait là toutes sortes d'ouvriers. Fils de Caleb, fils de Jéphoné, Ir, Ela et Naam. Ela fut père de Sénèse, fils de Jaléléel, Ziph, Zipha, Tyria et Asraël. Fils d'Ezra, Jéter, Mered, Épher et Jalon. Il eut encore Mariam, Samaï et Jezba, père d'Estamo. Sa femme, Judaïa, enfanta Jared, père de Jédor, et Héber, père de Soko, et Ikutiel, père de Zanoé. Et ceux-là sont les fils de Bethiel, fille du Pharaon, qui épousa Mered. Fils de la femme d'Odaïa, sœur de Naham, père de Seïla, Garmi et Estamo, qui étaient de Makati. Fils de Simon, Amnon et Rina. Fils de Hanan et Tilon. Fils de Jési, Zoët et Benzoët. Fils de Séla, fils de Juda. Er, père de Léka, et Laada, père de Maréza, et les familles de ceux qui travaillent aux ouvrages de fin lin dans la maison du serment. Et Joachim et les habitants de Kozéba, et Joas et Saraph qui commandèrent dans Moab, et qui revinrent à Laem. Telle est l'ancienne tradition. Ce sont là les petits qui demeuraient à Atarim, et à Gadéra dans les maisons du roi où ils travaillaient pour lui et qui s'y sont établis. Fils de Siméon, Namuel, Jamin, Jarib, Zara et Saül, dont le fils fut Sélom, père de Mapsam, lequel eut Masma pour fils. Le fils de Masma fut Amuel, celui de Amuel fut Zakur, et celui de Zakur fut Séméi. Séméi eut 16 fils et 6 filles, mais ses frères n'eurent pas beaucoup d'enfants, et toute leur postérité ne put égaler le nombre des enfants de Juda. Ils s'établirent à Bersabée, à Molada, à Hazar-Sual, à Bala, à Azom, à Tolad, à Batuel, à Orma et à Siseleg, à Beth-Markabot, à Hazar-Zuzim, à Beth-Berahi et à Saharim. Ce sont les villes qu'ils possédèrent jusqu'au règne de David. Ils eurent encore des bourgs au nombre de 5 qui peuvent passer pour villes, Étam, Aen, Rémon, Token et Azan, et tous les villages qui sont aux environs de ces villes jusqu'à Baal. Voilà le pays que les descendants de Siméon ont habité et la distribution de leurs demeures. Mozobab, Jemlek et Josa, fils d'Amazias, Joël et Jéhu, fils de Josabia, qui fut fils de Saraya, fils d'Aziel, Elionaï, Jacoba, Isuaya, Azaya, Adiel, Ismiel et Benaya, Ziza, fils de Séphéi, fils d'Alon, fils d'Idaya, fils de Semri, fils de Samaya. Tout cela devinrent les chefs célèbres de plusieurs maisons et ils se multiplièrent extrêmement dans les familles qui sortirent d'eux. Ils partirent pour aller à Gador, jusqu'à l'orient de la vallée, afin de chercher des pâturages à leurs troupeaux. Ils en trouvèrent de fertiles et d'excellents, et une terre très spacieuse, paisible et fertile, où des gens de la postérité de Cam s'étaient établis. Ces hommes, que nous avons nommés plus haut, vinrent donc sous le règne d'Ézéchias, roi de Juda. Ils renversèrent leurs tentes et tuèrent ceux qui y habitaient, et ils en sont demeurés jusqu'à présent les maîtres, s'y étant établis à leur place à cause des pâturages très gras qu'ils y trouvèrent. Quelques autres de la même tribu de Siméon, au nombre de 500, s'en allèrent à la montagne de Séhir sous la conduite de Phaltias, de Naharias, de Raphaïas et d'Oziel, fils de Jési. Et ayant défait les restes des Amalécites, qui avaient pu échapper jusqu'alors, ils se rendirent maîtres du pays où ils sont demeurés jusqu'à ce jour. Voici les fils de Ruben, fils aîné d'Israël, car c'est lui qui était son aîné, mais parce qu'il déshonora la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné aux enfants de Joseph, fils d'Israël, et Ruben ne fut plus considéré comme l'aîné. Or, Juda était le plus vaillant de tous ses frères, et des princes sont sortis de sa race, mais le droit d'aînesse fut conservé à Joseph. Voici donc quels furent les fils de Ruben, qui étaient l'aîné d'Israël. Hénoc, Phalu, Esron et Carmi. Joël eut pour fils Samaïa, père de Gog, dont le fils fut Séméi. Mika fut fils de Séméi, Réa, fils de Mika, et Baal, fils de Réa. Béhéra, son fils, l'un des chefs de la tribu de Ruben, fut emmené captif par Telgat Phalnazar, roi des Assyriens. Ses frères et toute sa parenté, dans le dénombrement qui en fut fait par famille, eurent pour chef Jeiel et Zacharie. Bala, fils d'Azaz, qui était fils de Sama, fils de Joël, s'établit dans Aroer jusqu'à Nebo et Béalméon. Il poussa aussi ses habitations jusqu'au district oriental, jusqu'à l'entrée du désert et jusqu'au fleuve de l'Euphrate, à cause de la grande quantité de bétail qu'il possédait dans la terre de Galaad. Au temps de Saül, ils combattirent contre les Agaréniens, et les ayant taillés en pièces, ils habitèrent dans leurs tentes et s'établirent dans tout le pays qui est à l'orient de Galaad. Les fils de Gad s'établirent vis-à-vis d'eux dans le pays de Bazan jusqu'à Selka. Joël était leur chef et Saphan tenait le second rang. Janaï et Saphat étaient établis dans Bazan. Leurs frères étaient, selon les maisons de leur famille, Michel, Mosolam, Sébé, Joraï, Jactan, Zié et Héber. 7 en tout. Voici les fils d'Abiaïl, fils de Uri, fils de Jara, fils de Galaad, fils de Michel, fils de Jézési, fils de Gédo, fils de Buze. Leurs frères furent encore les fils d'Abdiel, fils de Guni, chef de maison dans leur famille. Ils s'établirent dans le pays de Galaad, dans Bazan et ses bourgades, et dans tous les villages de Saron jusqu'aux frontières. Tout ceci se trouve dans le dénombrement qui fut fait sous le règne de Joatam, roi de Juda, et de Jéroboam, roi d'Israël. Les fils de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé furent des hommes belliqueux, qui portaient le bouclier et l'épée, qui bandaient l'arc et qui étaient très expérimentés à la guerre. Quand ils marchaient en bataille, ils étaient au nombre de 44 760. Ils livrèrent bataille contre les Agaréniens, mais les Ituréens, avec ceux de Naphis et de Nodab, leur donnèrent du secours. Et Dieu leur livra entre les mains ces Agaréniens, avec tous les gens de leur parti, parce qu'ils eurent soin de l'invoquer dans le combat. Ainsi, il les exauça, parce qu'ils avaient cru en lui. Ils s'emparèrent de tout ce que possédaient ces peuples, de 50 000 chameaux, de 250 000 brebis, et de 2 000 ânes, et firent 100 000 prisonniers, sans compter aussi un grand nombre de blessés qui périrent dans le combat. Car ce fut la guerre du Seigneur, et ils demeurèrent dans ce pays jusqu'à ce qu'ils en furent déportés. La demi-tribu de Manassé occupa aussi toutes les terres qui sont depuis les extrémités de Bazan jusqu'à Baal-Hermon et Sanir et le mont Hermon, car ils étaient en très grand nombre. Voici ceux qui furent chefs de leurs diverses familles: Épher, Jési, Éliel, Ezriel, Jérémie, Odoïa et Jédiel, tous hommes vaillants et forts et chefs illustres dans leur famille. Cependant, ils abandonnèrent le Dieu de leur père et ils se prostituèrent en suivant les dieux de ces peuples que Dieu avait exterminés en leur présence. Alors le Dieu d'Israël suscita l'esprit de Ful, roi des Assyriens, et l'esprit de Telgath-Phalnazar, roi d'Assur, et il déporta la tribu de Ruben avec la tribu de Gad et la demi-tribu de Manassé, et les emmena à Laéla, à Habor et à Hara, sur le fleuve de Gozan, où ils sont jusqu'à ce jour. Fils de Lévi, Gerson, Kahat et Merari. Fils de Kahat, Amram, Isaar, Hébron et Oziel. Fils d'Amram, Aaron, Moïse et Marie, leur sœur. Fils d'Aaron, Nadab et Abiu, Éléazar et Itamar. Éléazar engendra Phinès, et Phinès engendra Abizué. Abizué engendra Bossi, et Bossi engendra Ozi. Ozi engendra Zarayas, et Zarayas engendra Merayot. Merayot engendra Amarias, et Amarias engendra Akitob. Akitob engendra Sadoc, et Sadoc engendra Akimas. Akimas engendra Azarias, et Azarias engendra Johanan. Johanan engendra Azarias. Ce fut lui qui exerça le sacerdoce dans le temple que Salomon fit bâtir à Jérusalem. Or, Azarias engendra Amarias, et Amarias engendra Akitob. Akitob engendra Sadoc, et Sadoc engendra Sélom. Sélom engendra Elsias, et Elsias engendra Azarias. Azarias engendra Sarayas, et Sarayas engendra Josédek. Or, Josédek sortit du pays quand le Seigneur transféra Juda et Jérusalem par Nabucodonosor. Les fils de Lévi furent donc Gerson, Kahat et Merari. Les fils de Gerson furent Lobni et Séméi. Fils de Kahat, Amram, Isaar, Hébron et Oziel. Fils de Merari, Moli et Musi. Mais voici la postérité de Lévi selon ses différentes familles. Gerson eut pour fils Lobni, le fils de Lobni fut Jahat, le fils de Jahat fut Zama. Le fils de Zama fut Joa, le fils de Joa fut Ado, le fils d'Ado fut Zara, le fils de Zara fut Jétraï. fils de Kaat, Aminadab, fils de Kaat, Coré, fils d'Aminadab, Azir, fils de Coré, Elkana, fils d'Azir, Abiazaph, fils d'Elkana, Azir, fils d'Abiazaph, Taat, fils d'Azir, Uriel, fils de Taat, Ozias, fils d'Uriel, Saül, fils d'Ozias, fils d'Elkana, Amazaï et Akimot, et Elkana, fils d'Elkana, Sophaï, fils d'Elkana, Naat, fils de Sophaï, Eliab, fils de Naat, Jéroam, fils d'Elia, Elkana, fils de Jéroam, fils de Samuel, Vaseni l'aîné, et Abia, fils de Merari, Mooli, son fils Lobni, Séméi, fils de Lobni, Oza, fils de Séméi, Samaa, fils d'Oza, Agia, fils de Samaa, Azaya, fils d'Agia. Voici ceux auxquels David donna l'intendance sur les chantres de la maison du Seigneur depuis que l'arche eût été placée à Jérusalem. Ils accomplissaient leur ministère en chantant devant le tabernacle de l'Alliance jusqu'à ce que Salomon eût bâti le temple du Seigneur dans Jérusalem. Et ils faisaient leur service chacun selon l'ordre qui leur avait été prescrit. Or voici ceux qui servaient avec leurs fils. D'entre les fils de Kaat, Éman le chantre, fils de Joël, fils de Samuel, fils d'Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliel, fils de Tohu, fils de Suf, fils d'Elkana, fils de Maat, fils d'Amazaï, fils d'Elkana, fils de Joël, fils d'Azarias, fils de Sophonias, fils de Taat, fils d'Azir, fils d'Abiazaph, fils de Coré, fils d'Isaar, fils de Kaat, fils de Lévi, fils d'Israël. Son frère Azaph était à sa droite. Il était fils de Barakias, fils de Samaa, fils de Michel, fils de Bazaïa, fils de Melchias, fils d'Atanaï, fils de Zara, fils d'Adaïa, fils d'Étan, fils de Zama, fils de Séméi, fils de Jet, fils de Gerson, fils de Lévi. Les fils de Merari, leur frère, étaient à gauche, savoir Étan, fils de Cusi, fils d'Abdi, fils de Maloc, fils d'Azabias, fils d'Amazias, fils d'Elkias, fils d'Amazaï, fils de Boni, fils de Somer, fils de Mooli, fils de Musi, fils de Merari, fils de Lévi. Les Lévites, leurs frères, étaient chargés de tout le service du tabernacle de la maison du Seigneur. Mais Aaron et ses fils offraient tout ce qui se brûlait sur l'autel des holocaustes et sur l'autel des parfums pour toutes les fonctions du sanctuaire. Et ils priaient pour Israël, selon tout ce que Moïse, serviteur de Dieu, leur avait prescrit. Or voici quels étaient les fils d'Aaron. Éléazar, son fils, Phinès, son fils, Abizué, son fils, Bossi, son fils, Ozi, son fils, Zaraïa, son fils, Merayot, son fils, Amarias, son fils, Akitob, son fils, Sadoc, son fils, Akimaas, son fils. Et voici les lieux où demeuraient ces fils d'Aaron, savoir les bourgades et les environs qui leur échurent par le sort, en commençant par les familles de la branche de Kaat. On leur donna donc Hébron dans la tribu de Juda et tous les faubourgs qui l'environnent. Mais les terres qui en relèvent, avec les villages, furent données à Caleb, fils de Jéphonné. On donna donc aux fils d'Aaron les villes de refuge, Hébron et Lobna avec ses faubourgs, et Jéter et Estémo avec leurs faubourgs, et Élon et Dabir avec leurs faubourgs, et Hazan et Beth-Sémès avec leurs faubourgs. On leur donna aussi de la tribu de Benjamin, Gabé avec ses faubourgs, et Almat avec ses faubourgs, et Anatot avec ses faubourgs, le tout faisant 13 villes partagées entre leurs familles. On donna aussi en partage aux autres membres de la famille de Kaat 10 villes de la demi-tribu de Manassé. Les fils de Gerson, selon leurs familles, eurent 13 villes de la tribu d'Issacar, de la tribu d'Azer, de la tribu de Nephtali et de la tribu de Manassé dans Basan. On donna aux fils de Merari, selon leur famille, 12 villes qui leur échurent par le sort dans la tribu de Ruben, dans la tribu de Gad et dans la tribu de Zabulon. Les fils d'Israël donnèrent aussi aux Lévites diverses villes avec leurs faubourgs. Et ces villes leur furent données par le sort dans la tribu des enfants de Juda, dans la tribu des fils de Siméon, dans la tribu des fils de Benjamin, et ils les nommèrent chacun de leurs noms. On en donna de même à ceux qui étaient de la famille de Kaat, et il y eut quelques-unes de leurs villes qui étaient de la tribu d'Éphraïm. On leur donna donc pour ville de refuge Sichem avec ses faubourgs dans la montagne d'Éphraïm, et Gazer avec ses faubourgs, et Jecmaam avec ses faubourgs, et Bétoron de même, et Élon avec ses faubourgs, et Jethrémon de la même manière. On donna dans la demi-tribu de Manassé Aner avec ses faubourgs, et Baalam avec ses faubourgs, à ceux qui restaient encore de la maison de Kaat. Ceux de la branche de Gerson eurent, dans la demi-tribu de Manassé, Golon en Basan avec ses faubourgs, et Astaroth avec ses faubourgs. Dans la tribu d'Issacar, Cédès avec ses faubourgs, et Dabéret avec ses faubourgs, et Ramoth avec ses faubourgs, et Anem avec ses faubourgs. Dans celle d'Azer, Mazal avec ses faubourgs, et Abdon de même, et Ukak avec ses faubourgs, et Rohob avec ses faubourgs. Dans la tribu de Nephtali, Cédès en Galilée et ses faubourgs, Ammon avec ses faubourgs, Kariataïm et ses faubourgs. Les autres lévites de la branche de Merari eurent dans la tribu de Zabulon, Rémono avec ses faubourgs et Tabor avec ses faubourgs. Au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l'orient de ce fleuve, ils eurent dans la tribu de Ruben, Bozor qui est dans le désert avec ses faubourgs, et Jassa avec ses faubourgs, et Kadémot avec ses faubourgs, et Mephat avec ses faubourgs, comme aussi dans la tribu de Gad, Ramoth de Galaad et ses faubourgs, et Manaïm avec ses faubourgs, et de plus, Ézébon avec ses faubourgs, et Jézer avec ses faubourgs. Issacar eut quatre fils, Tola, Phua, Jazub et Siméron. Tola eut pour fils Ozi, Raphaïa, Jériel, Jemaï, Jepsem et Samuel, tous chefs de diverses branches ou maisons. Dans le dénombrement qui fut fait sous David, il se trouva 22 600 vaillants guerriers de la maison de Tola. Ozi eut pour fils Israïa, duquel sont issus Michel, Obadia, Joël et Jézia, princes tous les cinq. Ils eurent avec eux, selon leurs diverses branches et familles, jusqu'à 36 000 hommes, très braves et toujours prêts à combattre. Ils avaient eu chacun plusieurs femmes et beaucoup d'enfants. Et leurs frères, d'après toute la parenté d'Issacar, hommes vaillants pour la guerre, furent recensés au nombre de 87 000. Fils de Benjamin, Béla, Bécor et Jadiel, au nombre de trois. Fils de Béla, Esbon, Ozi, Oziel, Jérimoth et Uraï, cinq chefs de famille, très vaillants pour le combat. Le nombre de leurs guerriers fut de 22 034. Fils de Bécor, Zamira, Joas, Eliezer, Elioénaï, Amri, Jérimoth, Abia, Anatot et Almat, tous fils de Bécor. Ils furent recensés selon leur famille comme chefs de leur parenté au nombre de 20 200, tous vaillants pour la guerre. Fils de Jadiel, Balan. Fils de Balan, Jéhus, Benjamin, Ahod, Shanana, Zétan, Tarsis et Aïzar. Ils sont tous fils de Jadiel, chef de leur maison, hommes très braves, au nombre de 17 200 marchant au combat. Ses femmes aussi et Apham, fils de Hir, et Azim, fils d'Aer. Les fils de Nephtali sont Jaziel, Guni, Jézer et Selom, fils de Bala. Or, Esriel fut fils de Manassé, qui eut encore d'une Syrienne sa concubine, Makir, père de Galaad. Makir eut soin de marier ses fils Aphim et Saphan, et il eut une sœur nommée Maaka. Salphaad fut son second fils, qui n'eut que des filles. Et Maaka, femme de Makir, enfanta un fils qu'elle nomma Pharez. Celui-ci eut aussi un frère nommé Sarez, père d'Ulam et de Ressan. Ulam fut père de Badan, et tout cela son fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé. Sa sœur Regina enfanta Belom et Abiezer et Mohola. Et les fils de Semida furent Haïn, Sekhem, Lessi et Aniam. Fils d'Ephraïm, Sutala, Bared son fils, Tahat son fils, Elada son fils, Tahat son fils, Zabad son fils, et Sutala fils de Zabad, Ezer et Elad fils de Sutala. Mais les habitants de Jet les tuèrent, parce qu'ils étaient descendus pour envahir leur possession. Ephraïm, leur père, les pleura donc des jours nombreux, et ses frères vinrent pour le consoler. Et il s'approcha de sa femme, qui conçut, et eut un fils qu'elle nomma Beria, parce qu'il était né dans l'affliction de sa famille. Ephraïm eut aussi une fille nommée Sarah, qui bâtit l'inférieur et le supérieur Bethoron et Ozin Sarah. Il eut encore pour fils Rapha, Rezef et Talé, de qui est né Tahan, qui fut père de Laadan, dont le fils fut Amiud, lequel engendra Elisama, de qui est issu Nun, dont le fils fut Josué. Leur possession et leur demeure furent Bethel avec ses dépendances, et Noron du côté de l'Orient, et Gazer avec ses dépendances du côté de l'Occident, et Sikhem avec ses dépendances, jusqu'à Haza avec ses dépendances. Et près des fils de Manassé, Betsan et ses dépendances, Tanakh et ses dépendances, Magédo et ses dépendances, Dor et ses dépendances. Ce sont les lieux où habitèrent les fils de Joseph, fils d'Israël. Fils d'Azer, Jemna, Jésua, Jessui et Baria avec Sarah leur sœur. Fils de Baria, Héber et Melchiel, c'est lui qui est père de Barsaït. Héber engendra Jephlat, Somer et Otam avec Sua leur sœur. Fils de Jephlat, Phosek, Kamaal et Azot, ce sont là les fils de Jephlat. Fils de Somer, Aï, Roaga, Ala et Aram. Ceux de Elem, son frère, sont Supha et Jemna, Célès et Amal. Fils de Supha, Sué, Arnafer, Sual, Beri et Jamra, Bozor, Od, Sama, Salusa, Jétran et Béra. Fils de Jéter, Jéphoné, Phaspha et Ara. Fils d'Ola, Aré, Aniel et Rézia. Tous ceux-là sont les fils d'Azer et chefs d'autant de familles, distingués et les plus braves d'entre ceux qui commandaient les armées. Le nombre de ceux qui étaient en âge de porter les armes montait à 26 000. Or Benjamin engendra Balé son aîné, Asbel le second, Ahara le troisième, Noah le quatrième et Rapha le cinquième. Les fils de Balé furent Adar, Géra et Abiud, Abissué, Naaman et Aoé, et aussi Géra, Séfufan et Uram. Voici les fils d'Ahod, chef des familles qui habitaient à Gaba et qui furent transportés à Manaat. Naaman et Akia, et Géra lui-même qui les transporta et qui engendra Oza et Ayud. Or, Saharaïm eut des enfants au pays de Moab, après qu'il eut renvoyé ses femmes Uzim et Bara. Il eut don de Odès, sa femme, Jobab, Sébia, Moza et Molcom, et Jéus, Sekia et Marma, qui furent ses fils et chefs d'autant de familles. Mais Uzim engendra Abitob et Elphal. Les fils d'Elphal furent Héber, Misaam et Samad, qui bâtit Ono et Lod avec ses dépendances. Baria et Sama, chefs des branches qui s'établirent à Ayalon, chassèrent les habitants de Jet. Ayo, Sézac, Jérimoth, Zabadia, Arod, Eder, Mikel, Jespha et Joa furent fils de Baria. Zabadia, Mosolam, Ezessi et Héber, Jessamari, Jeslia et Jobab furent fils d'Elphal. Jassim, Zekri, Zabdi, Elioenaï, Seletaï, Eliel, Adaya, Baraya et Samarat furent fils de Séméi. Jesfam, Héber, Eliel, Abdon, Zekri, Anan, Anania, Elam, Anatotia, Jephdaïa et Phanuel furent fils de Sézac. Samsari, Sohoria, Otolia, Gersia, Elia et Zécri furent fils de Jéroam. Ce sont là les premiers pères et les chefs des familles qui s'établirent à Jérusalem. Mais Abi-Gabaon s'établit à Gabaon, sa femme se nommait Maaka. Son fils aîné fut Abdon, et les autres, Sur, Sis, Baal et Nadab, et aussi Gédor, Ayo, Zakar et Masselot. Et Masselot engendra Sama. Et tout cela s'établirent à Jérusalem avec ceux de la même branche en face de leurs frères. Or, Ned engendra Sis, et Sis engendra Saül. Saül engendra Jonatas, Melchizoa, Abinadab et Esbaal. Le fils de Jonatas fut Méribaal, et Méribaal fut père de Mika. Fils de Mika, Phiton, Mélec, Tara et Ahaz. Ahaz engendra Joada. Joada engendra Alamat, Azmoth et Zamri. Zamri engendra Moza. Moza engendra Bana, dont le fils fut Rapha, duquel est venu Elaza, qui engendra Azel. Azel eut 6 fils, dont voici les noms. Ezricam, Bokru, Ismaël, Saria, Obdia et Anan, tous fils d'Azel. Fils d'Ézec, son frère, Ulam l'aîné, Jéus le second, et Eliphalet le troisième. Les fils d'Ulam furent des hommes très robustes, et qui avaient une grande force pour tirer de l'arc. Ils eurent un grand nombre de fils et de petits-fils, jusqu'à 150. Tous ceux-là sont fils de Benjamin. Voilà donc le dénombrement de tout Israël, et leur nombre a été écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda, et ils furent transportés à Babylone à cause de leurs péchés. Or ceux qui s'établirent les premiers dans leurs biens et dans leurs villes furent les Israélites, les prêtres, les Lévites et les Nathinéens. À Jérusalem habitaient des fils de Juda, des fils de Benjamin, et aussi des fils d'Éphraïm et de Manassé. Othéi, fils d'Amiud, fils d'Amri, fils d'Omraï, fils de Boni, l'un des fils de Phares, fils de Juda. Azaïa, fils aîné de Siloni et ses autres fils. Des fils de Zara, Jehuel et ses frères, 690. De la tribu de Benjamin, Salo, fils de Mosolam, fils d'Oduya, fils d'Azana. Et Jobania, fils de Jéroboam. Et Ela, fils d'Ozi, fils de Mokori. Et Mosolam, fils de Saphatias, fils de Raouel, fils de Jébanias. Et leurs frères, selon leur famille, 956. Tout cela était chef de famille dans les maisons de leurs pères. De la famille sacerdotale, il y eut Jedaïa, Joyarib et Jaquin. Et aussi Azarias, fils d'Elsias, fils de Mosolam, fils de Sadoc, fils de Maraïot, fils d'Akitob, pontife de la maison du Seigneur. Adaïa, fils de Jéroam, fils de Fassur, fils de Melchias. Et Maazaï, fils d'Adiel, fils de Jezra, fils de Mosolam, fils de Mosolamite, fils d'Emer. Et leurs frères, chefs des maisons de leur père, 1760, hommes forts et robustes, pour s'acquitter du service dans la maison de Dieu. Des Lévites, il y eut Séméia, fils d'Assub, fils d'Esricam, fils d'Azébia, l'un des fils de Merari. Bakbakar, le charpentier, Galal, et Matania, fils de Mika, fils de Zécri, fils d'Asaph. Et Obdia, fils de Séméias, fils de Galal, fils d'Éditin. Et Barakia, fils d'Aza, fils d'Elkana, qui habitait dans les faubourgs de Netophati. Et les portiers, Selom, Akub, Telmon, et Aïmam, et leur frère Selom était le chef. Jusqu'à ce temps-là, les fils de Lévi avaient gardé chacun à leur tour la porte du roi à l'Orient. Selom, fils de Coré, fils d'Abiazaph, fils de Coré, était là avec ses frères et la maison de son père. Ce sont là les Corites établis sur les travaux du ministère, ayant la garde des portes du tabernacle, leur famille gardant tour à tour l'entrée du camp du Seigneur. Orphinès, fils d'Éléazar, était leur chef devant le Seigneur. Et Zacharie, fils de Mosolamia, était chargé de la porte du tabernacle du témoignage. Tous ces lévites, destinés à la garde des portes, étaient au nombre de 212, inscrits chacun sur le rôle de leur ville. David et le voyant Samuel les établirent à cause de leur fidélité, tant eux que leurs fils, pour garder chacun à leur tour les portes de la maison du Seigneur et le tabernacle. Les portiers étaient aux quatre vents, c'est-à-dire à l'Orient, à l'Occident, au Septentrion et au Midi. Et leurs frères demeuraient dans leur bourgade. Mais ils venaient pour leur semaine depuis le temps prescrit jusqu'à l'autre temps. Ces quatre lévites avaient l'intendance sur tous les portiers, et ils étaient chargés des chambres et des trésors de la maison du Seigneur. Ils demeuraient autour du temple du Seigneur dans leur lieu de garde, afin qu'au temps voulu, ils ouvrissent eux-mêmes les portes dès le matin. Quelques-uns de leurs frères étaient chargés de tous les objets qui servaient au ministère, car on comptait ces objets en les rapportant et en les emportant. C'était d'entre eux et parmi ceux qui avaient la garde des ustensiles du sanctuaire qu'on en prenait quelques-uns pour avoir soin de la farine, du vin, de l'huile, de l'encens et des aromates. Mais ceux qui étaient de la famille sacerdotale composaient les parfums de plusieurs aromates. Le lévite Matathias, fils aîné de Sélom, descendant de Corée, avait l'intendance de tout ce qu'on faisait frire dans le poêle. Quelques-uns des fils de Kahath, leurs frères, avaient la charge des pains de proposition afin d'en préparer toujours de nouveau tous les jours de sabbat. Ce sont là les chefs des chantres, des familles des lévites qui demeuraient dans les chambres afin de remplir sans cesse, jour et nuit, les fonctions de leur ministère. Les chefs des lévites, princes dans leur famille, demeuraient à Jérusalem. Or, Jehiel, père de Gabaon, habitait à Gabaon. Sa femme se nommait Maaca. Abdon, son fils aîné, Sur, Sis, Baal, Ner et Nadab. Puis Gédor, Ayo, Zacharie et Masselot, qui fut père de Samaan. Tous ceux-là demeurèrent à Jérusalem avec ceux de leur maison en face de leurs autres frères. Ner fut père de Sis et Sis père de Saül. Saül engendra Jonatas, Melchizoa, Abinadab et Esbaal. Jonatas eut pour fils Méribaal, qui fut père de Mica. Fils de Mica, Phiton, Mélec, Tara et Ahaz. Ahaz engendra Jara, et Jara engendra Alamath, Azmoth et Zamri. Zamri engendra Moza. Moza engendra Banaa, dont le fils Raphaïa engendra Elaza, duquel est sorti Azel. Azel eut 6 fils, dont voici les noms. Ezricam, Bokru, Ismaël, Saria, Obdia, Anan. Ce sont là les fils d'Azel. Or les Philistins combattaient contre Israël, et les Israélites furent mis en fuite par les Philistins et tombèrent blessés sur le mont Gelboé. Et lorsque les Philistins, poursuivant Saül et ses fils, se furent approchés, ils frappèrent Jonatas, Abinadab et Melchizoa, fils de Saül. Et tout l'effort du combat tomba sur Saül, et les archers le trouvèrent et le percèrent de leurs flèches. Saül dit alors à son écuyer, « Tire ton épée et tue-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent et ne me déshonorent. » Mais l'écuyer, saisi de crainte, refusa de le faire. Saül prit donc lui-même son épée et se jeta dessus. Lorsque l'écuyer eut vu que Saül était mort, il se jeta aussi lui-même sur son épée et il mourut. Telle fut la mort de Saül et de ses 3 fils, et toute sa maison tomba avec lui. Les Israélites qui habitaient la campagne, ayant vu cela, s'enfuirent, et comme Saül était mort aussi bien que ses fils, ils abandonnèrent leur ville, se dispersant de tous côtés, et les Philistins vinrent et s'y établirent. Le lendemain, les Philistins, dépouillant les morts, trouvèrent Saül et ses fils étendus sur la montagne de Gelboé. Et après l'avoir dépouillé, ils lui coupèrent la tête, prirent ses armes et les envoyèrent dans leur pays pour les faire porter de tous côtés et les montrer dans les temples des idoles et au peuple. Ils consacrèrent ses armes dans le temple de leur dieu et attachèrent sa tête dans le temple de Dagon. Quand les habitants de Jabès-Galaad eurent appris le traitement que les Philistins avaient infligé à Saül, les plus courageux d'entre eux se levèrent, prirent les corps de Saül et de ses fils et les apportèrent à Jabès. Ils enterrèrent leurs os sous le chêne qui était à Jabès et jeûnèrent pendant 7 jours. Saül mourut donc à cause de ses iniquités, parce qu'au lieu de garder le commandement que le Seigneur lui avait fait, il l'avait violé, et en outre, parce qu'il avait consulté une pythonisse, et qu'il n'avait point mis son espérance au Seigneur. C'est pour cela que Dieu le fit mourir, et qu'il transféra son royaume à David, fils d'Isaïe. Tout Israël vint donc trouver David à Hébron et lui dit « Nous sommes vos os et votre chair. Et autrefois déjà, lorsque Saül régnait encore, c'était vous qui meniez Israël au combat et le rameniez. Car c'est à vous que le Seigneur votre Dieu a dit « Vous serez le pasteur de mon peuple Israël et vous en serez le prince. » Tous les anciens d'Israël vinrent donc trouver le roi à Hébron et le roi fit alliance avec eux devant le Seigneur et ils le sacrèrent roi sur Israël suivant la parole que le Seigneur avait dite par la bouche de Samuel. David vint ensuite avec tout Israël à Jérusalem, nommé aussi Jébus, où étaient les Jébuséens, habitants du pays. Ceux qui demeuraient dans Jébus dirent alors à David, « Vous n'entrerez point ici. » Néanmoins, David prit la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Et il dit, quiconque battra le premier les Jébuséens sera fait prince et général. Joab, fils de Sarvia, monta donc le premier à l'assaut et fut fait prince. Et David habita dans la citadelle, et c'est ce qui la fit appeler la cité de David. Et il bâtit des constructions autour de la ville, depuis Mélo jusqu'au tournant. Et Joab construisit le reste de la ville. Et David allait progressant et croissant, et le Seigneur des armées était avec lui. Voici les chefs des vaillants hommes de David qui l'aidèrent à devenir roi sur tout Israël, suivant la déclaration que le Seigneur avait faite à Israël. Et voici le nombre des héros de David. Jezbaham, fils d'Akamoni, chef des 30. C'est lui qui, ayant brandi sa lance, en blessa 300 en une seule fois. Après lui, Éléazar, l'Ahoïte, fils de Dodo, était parmi les 3 plus vaillants. C'est lui qui se trouva avec David à Fès-de-Mim quand les Philistins s'y assemblèrent pour livrer bataille. Et il y avait en ce lieu un champ plein d'orge et le peuple s'était enfui de devant les Philistins. Mais ceux-ci tinrent ferme au milieu du champ et le défendirent. Et après qu'ils eurent battu les Philistins, le Seigneur donna une grande délivrance à son peuple. 3 des 30 chefs descendirent auprès de David sur le rocher où il était, près de la caverne de Dolam, quand les Philistins vinrent camper dans la vallée de Raphaïm. David était donc dans la forteresse, et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. Et David eut un désir, et il dit, « Oh, si quelqu'un me donnait de l'eau de la citerne de Bethléem qui est près de la porte. » Alors, ces 3 hommes traversèrent le camp des Philistins, puisèrent de l'eau dans la citerne qui était à la porte de Bethléem, et ils l'apportèrent à David afin qu'il en bût. Mais il refusa et il préféra l'offrir en libation au Seigneur en disant « À Dieu ne plaise que je fasse cela en sa présence et que je boive le sang de ces hommes qui m'ont apporté cette eau au péril de leur vie. » C'est pour cela qu'il ne voulut point en boire. Voilà ce que firent ces 3 héros. Abisaï, frère de Joab, était le premier des 3 seconds. C'est lui aussi qui brandit sa lance contre 300 hommes qu'il toie. Il était très renommé entre les 3. Il était le plus illustre de ces 3 seconds et leur chef. Néanmoins, il n'égalait pas encore les 3 premiers. Banayas, de Gabzeel, fils de Joïada, qui fut un homme très vaillant, se signala par plusieurs grandes actions. Il toit les deux Ariel de Moab, et étant descendu dans une citerne par un temps de neige, il y tua un lion. C'est lui aussi qui tua un Égyptien haut de 5 coudées, qui portait une lance comme une ensuble de tisserand. Il l'attaqua avec un bâton, et lui ayant arraché la lance qu'il tenait à la main, il le tua de cette lance même. Voilà ce que fit Banayas, fils de Joïada. Il était aussi très illustre entre les 3 seconds, et le premier entre les 30. Néanmoins, il n'égalait pas encore les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Mais les guerriers les plus vaillants du reste de l'armée étaient Azaël, frère de Joab, et Elkanan de Bethléem, fils de l'oncle paternel d'Azaël, Samoth l'Arorite et Élès le Phalonite. Ira de Tekoa, fils d'Akès, Abiezer d'Anatot, Sobokaï l'Uzatite, Ilaï l'Aoïte, Maharaï de Netophat, Eled, fils de Baana, aussi de Netophat, Etaï, fils de Ribaï de Gabaat, de la tribu de Benjamin, Banaïa de Pharaton, Uraï du torrent de Gaas, Abiel d'Arbat, Azmoth le Boramite, Eliaba le Salabonite, les fils d'Assem le Jézonite, Jonathan, fils de Sagé, Laragite, Ayam, fils de Sakar, aussi Ararite, Eliphal, fils d'Ur, Epher le Mokératite, Aya le Félonite, Esro du Carmel, Naharaï, fils d'Azbaï, Joël, frère de Nathan, Mibahar, fils d'Agaraï, Sélek, l'Ammonite, Naharaï de Béroth, écuyer de Joab, fils de Sarvia, Ira de Jéter, Gared, aussi de Jéter, Uri l'Éthéen, Zabad, fils d'Oli, Adina, fils de Siza, de la tribu de Ruben, et chef de cette tribu, lequel en avait encore 30 avec lui, Anaan, fils de Maaka, et Josaphat, le Matanite, Ozia d'Astaroth, Sama et Jehiel, fils d'Otam, l'Arorite, Jediel, fils de Samri, et Joa, son frère de Toza, Eliel de Mahumi avec Jéribaï et Josaya, fils d'Elnaem et Jetma de Moab, Eliel et Obel et Jaziel de Mazobia. Ceux-ci vinrent aussi trouver David à Siseleg, lorsqu'il était encore obligé de fuir Saül, fils de Cis. C'étaient des guerriers très forts et très vaillants, qui tiraient de l'arc et qui se servaient des deux mains pour jeter des pierres avec la fronde ou pour tirer des flèches. Ils étaient frères de Saül, de la tribu de Benjamin. Le chef Ahiézer et Joas, tous deux fils de Sama de Gabaat, Jaziel et Phalet, fils d'Azmoth, Baraka et Jéhu d'Anatot, Samaïas de Gabaon, très brave parmi les 30 et chef des 30, Jérémie, Jéhéziel, Johanan et Jézabad de Gaderoth, Élusaï, Jérimuth, Baalia, Samaria et Saphatia la Ruphite, Elkana, Jézia, Azarel, Joézer et Jezbaam de Caréim, Joéla et Zabadia, fils de Jéroam qui était de Gédor, de Gad aussi des hommes très forts et d'excellents guerriers, accoururent auprès de David lorsqu'il était caché dans le désert. Ils maniaient le bouclier et la lance. Ils avaient un visage de lion. Ils étaient agiles comme les chèvres des montagnes. Ézer le chef, Obdias le second, Eliab le troisième, Masmana le quatrième, Jérémie le cinquième, Éti le sixième, Eliel le septième, Johanan le huitième, Elzabad le neuvième, Jérémie le dixième, Magbanaï le onzième. C'étaient des fils de Gad et les chefs de l'armée. Le moindre commandait 100 soldats et le plus grand en commandait 1000. Ce sont eux qui traversèrent le Jourdain au premier mois, lorsqu'il a coutume de déborder sur ses rives. Ils mirent en fuite tous ceux qui demeuraient dans les vallées, tant à l'Orient qu'à l'Occident. Plusieurs aussi vinrent de Benjamin et de Juda dans la forteresse où David s'était retiré. Et lui, étant sorti devant eux, leur dit « Si vous venez à moi avec un esprit de paix, pour me secourir, je ne veux avoir qu'un même cœur avec vous. Mais si vous venez de la part de mes ennemis pour me surprendre, quoique je n'ai fait aucun mal, que le Dieu de nos pères en soit le témoin et le juge. » Alors, l'esprit revêtit Amasaï, qui était un chef des trente, et il dit « Nous sommes à vous, ô David, et avec vous, fils d'Isaïe, paix. Paix à ceux qui prennent votre défense, car votre Dieu vous protège. » David les accueillit donc et en fit les chefs de ses troupes. Il y en eut aussi de Manassé qui se joignirent à David lorsqu'il marchait avec les Philistins contre Saül. Mais il ne combattit pas avec eux, car les princes des Philistins ayant tenu conseil, le renvoyèrent en disant « Il s'en retournera vers Saül son maître au péril de nos têtes. » C'est donc lorsqu'il revient à Siséleg que quelques hommes de Manassé se joignirent à lui, savoir Ednas, Josabad, Jédiel, Mikael, Ednas, Josabad, Eliu et Salati, qui avaient 1000 hommes de cette tribu sous leur conduite. Ce sont eux qui prêtèrent leur secours à David pour arrêter les voleurs, car ils étaient tous des hommes très vaillants, et ils furent chefs dans l'armée. Mais c'est tous les jours que des gens venaient à David pour lui prêter secours, de manière à former un nombre considérable, comme une armée de Dieu. Voici le nombre des chefs de l'armée qui vinrent trouver David à Hébron pour lui transférer la royauté de Saül, suivant la parole du Seigneur. Fils de Juda, portant le bouclier et la lance, 6800 prêts à combattre. Des fils de Siméon, hommes très vaillants pour le combat, 7100. Des fils de Lévi, 4600, et Joïada, prince de la race d'Aaron, et avec lui 3700. Et Sadoc, jeune homme d'un naturel excellent, et la maison de son père, 22 chefs. Des fils de Benjamin, frère de Saül, 3000, car la plupart des autres suivaient encore la maison de ce prince. Des fils d'Éphraïm, 20800, tous ce gens très robustes, renommés dans leur famille. De la demi-tribu, de Manassé, 18 000 qui vinrent désignés nominativement afin d'établir David sur le trône. Des fils d'Issacar, homme sage, qui avait l'intelligence des temps pour ordonner à Israël ce qu'il devait faire, 200 chefs, et tout le reste de la tribu suivait leurs conseils. De Zabulon, des hommes aguerris, bien armés et prêts à combattre, vinrent au nombre de 50 000 offrir leur service à David, sans duplicité de cœur. Et de Nephtali, 1000 princes suivis de 37 000 hommes armés de lances et de boucliers. Et 28 600 de la tribu de Dan, tous gens guerriers. Et 40 000 de celle d'Azer marchant en bataille et toujours prêts à attaquer l'ennemi. Et 120 000 au-delà du Jourdain, tant des fils de Ruben et de Gad que de la demi-tribu de Manassé, tous bien armés. Tous ces braves guerriers, prêts à combattre, vinrent avec un cœur parfait trouver David à Hébron pour l'établir roi sur tout Israël. Et tout le reste d'Israël était d'un même cœur pour faire régner David. Ils demeurèrent là 3 jours auprès de David, mangeant et buvant, car leurs frères leur avaient préparé des vivres. Mais de plus, ceux qui habitaient auprès d'eux, jusqu'à Issacar, Zabulon et Nephtali, apportaient des aliments sur des ânes, des chameaux, des mulets et des bœufs pour les nourrir. De la farine, des figues, des raisins secs, du vin et de l'huile, des bœufs et des moutons en abondance. Car c'était une réjouissance générale en Israël. Cependant, David tint conseil avec les tribuns, les centurions et tous les princes. Et il dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous êtes de l'avis que je vais vous proposer, et s'il vient du Seigneur notre Dieu, envoyons vers nos autres frères dans tout le pays d'Israël, vers les prêtres et les lévites qui demeurent dans les faubourgs des villes, afin qu'ils s'assemblent avec nous, et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés pendant le règne de Saül. » Toute l'assemblée répondit qu'il fallait faire ainsi, car cette proposition avait plu à tout le peuple. David fit donc assembler tout Israël, depuis Sior d'Égypte jusqu'à l'entrée d'Emath, afin que l'on ramenât de Kariath-Yarim l'arche de Dieu. Et David, suivi de tout Israël, gravit la colline de Kariath-Yarim dans la tribu de Juda, pour en apporter l'arche du Seigneur Dieu assis sur les chérubins, devant laquelle est invoqué son nom. On mit donc l'arche de Dieu sur un char neuf pour l'amener de la maison d'Abinadab. Osa et son frère conduisaient le char. Or David et tout Israël témoignaient leur joie devant l'arche de toute leur force, en chantant des cantiques et en jouant des harpes, des lyres, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Mais lorsqu'on fut arrivé près de l'aire de Kidon, Osa étendit sa main pour soutenir l'arche, car un des bœufs l'avait fait un peu pencher en regimbant. Alors le Seigneur s'irrita contre Osa et le frappa pour avoir touché l'arche, et il tomba mort devant le Seigneur. Et David fut affligé de ce que le Seigneur avait frappé Osa, et il appela à ce lieu la plaie d'Osa, comme on le nomme encore aujourd'hui. Il eut donc alors une grande crainte du Seigneur, et il dit « Comment pourrais-je faire venir l'arche de Dieu chez moi ?» C'est pourquoi il ne l'amena point chez lui, c'est-à-dire dans la ville de David, mais il la fit conduire dans la maison d'Obédédom, le Gétéen. L'arche de Dieu demeura donc 3 mois dans la maison d'Obédédom, et le Seigneur bénit sa maison et tout ce qui lui appartenait. Hiram, roi de Tyr, envoya des ambassadeurs à David avec du bois de cèdre, des maçons et des charpentiers pour lui bâtir une maison. Et David reconnut que Dieu l'avait confirmé roi sur Israël et qu'il l'avait élevé en autorité sur le peuple d'Israël. Et il épousa encore d'autres femmes à Jérusalem, dont il eut des fils et des filles. Voici les noms des fils qui lui naquirent à Jérusalem: Samua, Sobad, Nathan et Salomon, Jébar, Élisoa et Eliphalet, Noga, Napheg et Japhia, Elisama, Baaliada et Eliphalet. Or les Philistins, ayant appris que David avait été sacré roi sur tout Israël, s'assemblèrent tous pour l'attaquer. Dès que David l'apprit, il marcha au-devant d'eux. Les Philistins s'avancèrent et se répandirent dans la vallée de Raphaïm. David consulta alors le Seigneur en disant « Irai-je contre les Philistins ?» et me les livrerez-vous entre les mains ? Et le Seigneur lui dit, « Allez, et je les livrerai entre vos mains. » Les ennemis étant donc venus à Baal-Pharazim, David les y défit. Et il dit, « Le Seigneur s'est servi de moi pour dissiper mes ennemis, comme les eaux se dissipent. » C'est pourquoi ce lieu fut appelé Baal-Pharazim. Les Philistins laissèrent là leur dieu, et David commanda qu'on les brûlât. Mais les Philistins revinrent encore une autre fois et se répandirent dans la vallée. Et David consulta Dieu de nouveau. Et Dieu lui dit, « N'allez pas directement les attaquer. Éloignez-vous d'eux et vous marcherez contre eux de l'autre côté des poiriers. Et quand vous entendrez comme un bruit de pas au sommet des poiriers, vous vous avancerez pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant vous pour battre l'armée des Philistins. » David fit donc ce que Dieu lui avait commandé, et il battit les Philistins depuis Gabaon jusqu'à Gazéra. Et la renommée de David se répandit dans tous les pays, et le Seigneur le rendit redoutable à toutes les nations. Le roi se bâtit aussi des maisons dans la cité de David, et il prépara un lieu pour l'arche du Seigneur, et lui dressa un tabernacle. Il dit ensuite, « Il n'est permis à personne de porter l'arche de Dieu, sinon aux Lévites que le Seigneur a choisis pour la porter et pour les rendre ses ministres à jamais. Et il assembla tout Israël à Jérusalem afin de faire apporter l'arche de Dieu au lieu qu'il lui avait préparé. Il fit aussi venir les enfants d'Aaron et les Lévites, des fils de Kahath, Uriel, le chef, et 20 de ses frères, des fils de Merari, Araya, le chef, et 220 de ses frères, des fils de Gerson, Joël, le chef, et 130 de ses frères, des fils d'Élisaphan, Séméias, le chef, et 200 de ses frères, des fils d'Hébron, Éliel, le chef, et 80 de ses frères, des fils d'Oziel, Aminadab, le chef, et 112 de ses frères. David appela les prêtres Sadoc et Abiathar, et les Lévites Uriel, Azaïa, Joël, Séméias, Éliel et Aminadab, et il leur dit, « Vous qui êtes les chefs des familles de Lévi, purifiez-vous avec vos frères et portez l'arche du Seigneur Dieu d'Israël au lieu qui lui a été préparé. De peur que, comme le Seigneur nous a frappés autrefois, parce que vous n'étiez pas présents, il ne nous arrive un même malheur si nous faisons quelque chose de contraire à ses lois. » Les prêtres et les Lévites se purifièrent donc afin de porter l'arche du Seigneur Dieu d'Israël. Et les fils de Lévi prirent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des bâtons, selon l'ordre que Moïse en avait donné après l'avoir reçue du Seigneur. David dit aussi aux chefs des Lévites d'établir quelques-uns de leurs frères comme chantres, avec des instruments de musique, des guitares, des lyres, des cymbales, afin de faire retentir bien haut le bruit de leur joie. Ils choisirent donc plusieurs Lévites, aimant, fils de Joël, et parmi ses frères, Asaph, fils de Barachias. D'entre les fils de Merari, leur frère étant fils de Kazaïa, et leurs frères avec eux. Et au second rang, Zacharie, Ben, Jaziel, Semiramoth, Jaïel, Ani, Eliab, Banayas, Maazias, Matathias, Eliphalu, Massénias, Obédédom et Jéiel, qui étaient portiers. Or les chantres, aimant, Asaph et étant, jouaient des cymbales d'airain. Zacharie, Oziel, Semiramoth, Jaïel, Ani, Eliab, Maazias et Banayas chantaient avec des guitares des airs sacrés et mystérieux. Matathias, Eliphalu, Massénias, Obédédom, Jéiel et Ozaziu chantaient des chants de victoire sur des harpes à huit cordes. Conénias, chef des Lévites, présidait à cette musique pour commencer le premier la symphonie, car il était très habile. Barachias et Elkana étaient portiers de l'arche. Les prêtres Sébénias, Josaphat, Nathanaël, Amazaï, Zacharie, Banayas et Eliezer sonnaient des trompettes devant l'arche de Dieu. Obédédom et Jéias étaient portiers de l'arche. Ainsi, David et tous les anciens d'Israël et les tribuns allèrent pour transporter l'arche de l'Alliance du Seigneur de la maison d'Obédédom avec des transports de joie. Et comme on vit que Dieu avait assisté les Lévites qui portaient l'arche de l'Alliance du Seigneur, on immola 7 taureaux et 7 béliers. Or David était revêtu d'une robe de fin lin, ainsi que tous les Lévites qui portaient l'arche et les chantres, et Conénias qui était le maître de la musique et du chœur des chantres. Mais David avait de plus un éphod de fin lin. Et tout Israël conduisait l'arche de l'Alliance du Seigneur avec des acclamations au son des clairons, des trompettes, des cymbales, des guitares et des harpes. Et lorsque l'arche de l'Alliance du Seigneur arriva près de la cité de David, Michol, fille de Saül, regardant par la fenêtre, vit le roi David qui sautait et qui dansait, et elle le méprisa dans son cœur. L'arche de Dieu fut donc apportée et placée au milieu du tabernacle que David lui avait fait dresser. Et l'on offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce en présence de Dieu. Et lorsque David eut achevé d'offrir des holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom du Seigneur, et il distribua à chacun en particulier, tant aux hommes qu'aux femmes, un pain et un morceau de bœuf rôti avec de la farine frite à l'huile. Et il établit devant l'arche du Seigneur des Lévites pour faire le service, pour célébrer les œuvres divines, glorifier et louer le Seigneur Dieu d'Israël. Asaph était le chef, Zacharie le second, et ensuite Jaïel, Semiramoth, Jeiel, Matathias, Eliab, Banayas et Obededom. Jeiel fut chargé des psaltérions et des lyres. Asaph de jouer des cymbales. Les prêtres Banayas et Jaziel de sonner continuellement de la trompette devant l'arche de l'Alliance du Seigneur. En ce jour, David établit Asaph premier chantre et ses frères sous lui pour chanter les louanges du Seigneur en disant « Louez le Seigneur et invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, chantez-lui et jouez-lui des instruments, annoncez toutes ses merveilles, louez son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent le Seigneur soit dans la joie. Cherchez le Seigneur et sa force, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges et des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, son élu. Il est le Seigneur, notre Dieu. Il exerce ses jugements dans toute la terre. Souvenez-vous à jamais de son alliance et de la loi qu'il a prescrite pour 1000 générations, de l'accord qu'il a fait avec Abraham et de son serment à Isaac. Il l'a confirmé à Jacob comme une loi inviolable et à Israël comme une alliance éternelle en disant « Je vous donnerai la terre de Canaan pour votre héritage. » Et il n'était alors qu'un petit nombre, peu considérable et étranger dans le pays. Et ils passèrent d'une nation à l'autre et d'un royaume à un autre peuple. Il ne permit à personne de les insulter, mais il châtia même des rois à cause d'eux. « Ne touchez pas à mes oints et ne faites point de mal à mes prophètes. Chantez au Seigneur toute la terre. » Annoncez tous les jours son salut, publiez sa gloire parmi les nations et ses merveilles parmi tous les peuples. Car le Seigneur est grand et digne de louanges infinies. Il est plus redoutable que tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, mais le Seigneur a fait les cieux. La gloire et la majesté sont devant lui, la force et la joie dans sa demeure. Offrez au Seigneur, famille des peuples, offrez au Seigneur la gloire et la puissance. Donnez au Seigneur la gloire due à son nom. Apportez des offrandes et présentez-vous devant lui. Adorez le Seigneur dans un saint respect. Que toute la terre tremble devant sa face, car c'est lui qui l'a affermi sur ses fondements. Que les cieux se réjouissent et que la terre tressaille de joie, et que l'on dise parmi les nations, le Seigneur est roi. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle renferme, que les campagnes et tout ce qu'elles contiennent soient dans la joie. Les arbres des forêts chanteront alors en présence du Seigneur, parce qu'il est venu pour juger la terre. Rendez gloire au Seigneur, parce qu'il est bon, parce que sa miséricorde est éternelle. Et dites-lui, sauvez-nous, ô Dieu notre Sauveur, rassemblez-nous et retirez-nous du milieu des nations, afin que nous rendions gloire à votre saint nom. Et que nous témoignions notre joie par des cantiques. Que le Seigneur, Dieu d'Israël, soit béni dans la suite de tous les siècles, et que tout le peuple dise Amen et louange au Seigneur. David laissa donc en ce lieu, devant l'arche de l'Alliance du Seigneur, Asaph et ses frères, afin qu'ils servissent continuellement en présence de l'arche, tous les jours, chacun à leur tour. Il établit Obededom et ses frères au nombre de 68, Obededom, fils d'Iditin, et Osa comme portier. Il établit aussi le grand prêtre Sadoc et les prêtres, ses frères, devant le tabernacle du Seigneur sur le haut lieu qui était à Gabaon, pour qu'ils offrissent continuellement des holocaustes au Seigneur sur l'autel des holocaustes, matin et soir, suivant tout ce qui est ordonné dans la loi que le Seigneur a prescrite à Israël. Auprès de Sadoc étaient Héman et Iditin, et les autres qui avaient été choisis, chacun par son nom, pour chanter les louanges du Seigneur en disant « Que sa miséricorde est éternelle ». Héman et Iditain jouait aussi de la trompette, touchait les cymbales et tous les autres instruments de musique pour chanter les louanges de Dieu. Quant aux fils d'Iditain, le roi les établit portiers. Tout le peuple s'en retourna, chacun dans sa maison, et David alla bénir sa maison. Lorsque David fut établi dans son palais, il dit au prophète Nathan « Voici que j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'Alliance du Seigneur est sous les pots d'une tente. » Et Nathan dit à David « Faites tout ce que vous avez au cœur, car Dieu est avec vous. » Mais la nuit suivante, Dieu parla à Nathan et lui dit « Allez dire à David, mon serviteur, voici ce que dit le Seigneur. Ce n'est pas vous qui me bâtirez une maison pour que j'y fasse ma demeure. Car je n'ai pas habité dans une maison depuis le temps où j'ai tiré Israël de l'Égypte jusqu'à ce jour. Mais j'ai été constamment sous le tabernacle, allant de place en place et demeurant sous la tente avec tout Israël. Ai-je jamais parlé à aucun des juges d'Israël, auxquels j'avais commandé d'avoir soin de mon peuple, et ai-je dit, pourquoi ne m'avez-vous point bâti une maison de cèdre ? Vous direz donc maintenant à mon serviteur David, « Voici ce que dit le Seigneur des armées. Je vous ai choisi lorsque vous suiviez les troupeaux au pâturage pour vous établir chef de mon peuple Israël. Et j'ai été avec vous partout où vous marchiez. J'ai exterminé tous vos ennemis devant vous. Et j'ai rendu votre nom aussi illustre que celui des grands hommes qui sont célèbres dans le monde. Et j'ai donné un lieu à mon peuple Israël. Il y sera affermi et il demeurera sans être ébranlé à l'avenir. Et les enfants d'iniquité ne l'humilieront plus comme ils l'ont fait auparavant. Depuis le temps que j'ai donné des juges à mon peuple d'Israël et que j'ai humilié tous vos ennemis, je vous déclare donc que le Seigneur vous bâtira une maison. Et lorsque vos jours seront accomplis et que vous irez avec vos pères, j'élèverai votre postérité après vous, l'un de vos fils, et j'affermirai son règne. C'est lui qui me bâtira une maison. Et j'établirai son trône à jamais. Je serai son père, et il sera mon fils. Et je ne lui retirerai point ma miséricorde, comme je l'ai retirée à votre prédécesseur. Je l'établirai dans ma maison et dans mon royaume à jamais, et son trône sera pour toujours affermi. » Nathan parla en ses propres termes à David, et selon toute cette vision. Et le roi David, étant venu se présenter devant le Seigneur, lui dit, « Qui suis-je, Seigneur Dieu, et quelle est ma maison pour que vous m'accordiez de telles grâces ? Mais cela vous a encore paru peu de choses. C'est pourquoi vous avez parlé de la maison de votre serviteur même pour l'avenir, et vous m'avez rendu plus considérable que tous les autres hommes, Seigneur Dieu. Que peut faire encore David, après que vous avez ainsi glorifié votre serviteur, et que vous vous êtes souvenu de lui à ce point ? Seigneur, c'est à cause de votre serviteur et selon votre cœur que vous avez agi d'une manière si magnifique et que vous avez voulu faire connaître tant de grandes choses. Seigneur, nul n'est semblable à vous. Il n'y a point d'autre Dieu que vous entre tous ceux dont nous avons entendu parler. En effet, y a-t-il un autre peuple semblable au vôtre, Israël, cette nation unique sur la terre, dont Dieu se soit approché pour le délivrer de captivité et en faire un peuple qui fût à lui, et pour chasser par sa puissance et par la terreur de son nom toutes les nations devant ce peuple qu'il avait tiré d'Égypte. Ainsi, Seigneur, vous avez établi votre peuple Israël pour qu'il soit à jamais votre peuple, et vous êtes demeuré son Dieu. Confirmez donc maintenant, à jamais, Seigneur, la promesse que vous avez faite à votre serviteur pour lui et pour sa maison. Et accomplissez votre parole. Que votre nom demeure et soit glorifié éternellement, et que l'on dise, le Seigneur des armées est le Dieu d'Israël, et la maison de David, son serviteur, subsiste toujours devant lui. Car c'est vous, Seigneur mon Dieu, qui avez révélé à votre serviteur que vous vouliez lui établir une maison, et c'est pour cela que votre serviteur est rempli de confiance pour vous offrir sa prière. Maintenant donc, Seigneur, vous êtes Dieu, et c'est à votre serviteur que vous avez fait ces grandes promesses. Et vous avez commencé à bénir la maison de votre serviteur, afin qu'elle subsiste toujours devant vous, car puisque vous la bénissez, Seigneur, elle sera bénie à jamais. » Après cela, David battit les Philistins et les humilia, et enleva Jeth avec ses dépendances d'entre leurs mains. Il défit aussi Moab, et les Moabites lui furent assujettis et lui payèrent le tribut. En ce temps, David battit aussi Hadarézer, roi de Soba, dans le pays d'Emath, lorsqu'il s'avança pour étendre son empire jusqu'au fleuve de l'Euphrate. David lui prit donc 1000 chars et 7000 cavaliers et 20 000 hommes d'infanterie. Il coupa les nerfs des jambes à tous les chevaux des chars, excepté 100 attelages qu'il se réserva. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadarézer, roi de Soba, mais David en défit 22 000. Et il mit une garnison dans Damas pour tenir la Syrie soumise et se la rendre tributaire. Et le Seigneur l'assista dans toutes ses entreprises. David prit aussi les carquois d'or des serviteurs d'Hadarézer et les porta à Jérusalem. Il enleva aussi une grande quantité d'airain de Thébat et de Quin, ville d'Hadarézer, et Salomon en fit la mer d'airain avec les colonnes et les vases de même métal. Tohu, roi d'Emath, ayant appris que David avait défait toute l'armée d'Hadarézer, roi de Soba, envoya Adoram, son fils, au roi David pour lui demander son alliance et le féliciter de ce qu'il avait défait et vaincu entièrement Hadarézer, car Tohu était ennemi d'Hadarézer. Le roi David consacra au Seigneur tous les vases d'or et d'argent et d'airain, avec ce qu'il avait pris d'or et d'argent sur tous les peuples, tant sur les Iduméens, les Moabites et les Ammonites, que sur les Philistins et les Amalécites. Abisaï, fils de Sarvia, défit aussi 18 000 Iduméens dans la vallée des Salines. Il mit des garnisons dans l'Idumée pour tenir cette province soumise à David. Et le Seigneur conserva toujours David dans toutes ses entreprises. David régna donc sur tout Israël, et il faisait droit et justice à tout son peuple. Or Joab, fils de Sarvia, était général de l'armée, et Josaphat, fils d'Ahilud, était archiviste. Sadoc, fils d'Akitob, et Ahimelech, fils d'Abiatar, était grand prêtre. Susa était secrétaire. Banaïas, fils de Joïada, commandait les Sérétiens et les Félétiens. Mais les fils de David étaient les premiers auprès du roi. Il arriva ensuite que Naas, roi des Ammonites, mourut, et son fils régna à sa place. Alors David dit, « Je veux témoigner de l'affection à Hanon, fils de Naas, car son père en a montré à mon égard. » Il envoya donc des ambassadeurs pour le consoler sur la mort de son père. Mais quand ils furent arrivés sur les terres des Ammonites pour consoler Hanon, les principaux du pays dirent à Hanon, vous croyez peut-être que c'est pour honorer votre père que David vous a envoyé des consolateurs, et vous ne voyez pas qu'ils ne sont venus que pour reconnaître votre pays et l'explorer et y tout découvrir. Hanon fit donc raser la tête et la barbe aux serviteurs de David, leur fit couper leurs tuniques depuis le haut des cuisses jusqu'aux pieds, et les renvoya ensuite. Lorsqu'ils furent partis et qu'ils eurent averti David, il envoya au-devant d'eux, à cause de ce grand outrage qu'ils avaient reçu, et leur ordonna de demeurer à Jéricho jusqu'à ce que leur barbe eût repoussé et de revenir ensuite. Mais les Ammonites, voyant qu'ils avaient offensé David, envoyèrent tant de la part d'Anon que de celle de tout le peuple 1000 talents d'argent pour prendre à leur solde des chars de guerre et des cavaliers dans la Mésopotamie, dans la Syrie de Maaca et dans Soba. Ils assemblèrent donc 32 000 chars et le roi de Maaca avec son peuple. Tous ces gens vinrent camper en face de Médaba, et les Ammonites, s'étant aussi assemblés de leur ville, marchèrent au combat. À cette nouvelle, David envoya Joab avec toutes ses meilleures troupes. Les fils d'Ammon sortirent et se rangèrent en bataille près de la porte de la ville, et les rois qui étaient venus à leur secours campèrent séparément dans la campagne. Joab, ayant remarqué qu'on se préparait à le combattre, et de front et par derrière, prit l'élite de toutes les troupes d'Israël et marcha contre les Syriens. Il donna le reste de l'armée à Abisaï, son frère, pour marcher contre les Ammonites. Et il lui dit, « Si les Syriens ont de l'avantage sur moi, tu viendras à mon secours. Et si les Ammonites en ont sur toi, j'irai aussi te secourir. Agis en homme de cœur, et combattons généreusement pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et le Seigneur ordonnera de tout comme il lui plaira. » Joab marcha donc contre les Syriens avec les troupes qu'il commandait, et il les mit en fuite. Les Ammonites, voyant que les Syriens avaient pris la fuite, s'enfuirent aussi eux-mêmes de devant son frère Abisaï et se retirèrent dans la ville. Et Joab s'en retourna à Jérusalem. Et lorsque les Syriens eurent vu qu'ils avaient été battus par Israël, ils envoyèrent chercher les autres Syriens qui étaient au-delà du fleuve. Sophac, général de l'armée d'Hadarézer, les commandait. On l'annonça à David, qui assembla tout Israël, passa le Jourdain et vint fondre sur eux en les attaquant de front tandis qu'ils luttaient de leur côté. Mais les Syriens prirent la fuite devant Israël et David tua 7 000 hommes de char et 40 000 hommes de pied et Sophac, général de l'armée. Alors, tous les serviteurs d'Hadarézer, se voyant vaincus par les Israélites, passèrent dans le parti de David et lui furent assujettis. Et les Syriens ne voulurent plus donner de secours aux Ammonites. Un an après, au temps où les rois ont coutume d'aller à la guerre, Joab assembla une armée et l'élite de toutes les troupes et ravagea le pays des Ammonites. Puis il alla mettre le siège devant Rabba et la détruisit. Mais David demeura à Jérusalem pendant que Joab bâtit Rabba. Alors David prit la couronne de dessus la tête de Melkom et il la trouva du poids d'un talent d'or et ornée de pierreries très précieuses et il s'en fit un diadème. Il emporta aussi de la ville plusieurs autres dépouilles. Il en fit sortir le peuple qui y était et fit passer sur eux des traîneaux et des chars armés de fer et de tranchants pour les briser et les mettre en pièces. Il traita de même toutes les villes des Ammonites et il revint ensuite à Jérusalem avec tout son peuple. Après cela, on fit la guerre à Gazer contre les Philistins et Sobokaï, le Husatite, tua Saphaï qui était de la race des géants. Et il humilia les Philistins. On fit encore une autre guerre contre les Philistins. Et Adéodate, fils de la forêt, Bethléémite, tua un frère du Gétéen Goliath, qui avait une lance dont la hampe était comme l'ensuple des tisserands. Il y eut encore une autre guerre à Jet. Il s'y trouva un homme extrêmement grand, qui avait 6 doigts aux pieds et aux mains, c'est-à-dire 24 en tout. Il était aussi lui-même de la race des géants. Il blasphéma les Israélites. Et Jonathan, fils de Sama, frère de David, le tua. Ce sont là les fils de Rapha à Jet. Ils furent tués par la main de David et de ses serviteurs. Cependant, Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. David dit donc à Joab et aux chefs du peuple, « Allez, et faites le dénombrement de tout Israël, depuis Bersabée jusqu'à Dan, et apportez-moi le rôle afin que je le connaisse. » Joab lui répondit, « Que le Seigneur daigne multiplier son peuple au centuple de ce qu'il est maintenant. Monseigneur le roi, tous ne sont-ils pas vos serviteurs? Pourquoi recherchez-vous une chose qui sera imputée à péché à Israël ?» Néanmoins, le commandement du roi l'emporta. Joab partit donc et parcourut tout Israël, et il revint à Jérusalem. Il donna à David le dénombrement de tous ceux qu'il avait comptés, et il se trouva 1 100 000 hommes d'Israël, tous capables de porter les armes, et 470 000 guerriers de Juda. Joab ne fit point le dénombrement de la tribu de Lévi, ni de celle de Benjamin, parce qu'il n'exécutait qu'à regret l'ordre du roi. Et cet ordre déplut à Dieu, qui frappa Israël. Mais David dit à Dieu, « J'ai commis une grande faute en agissant ainsi. Je vous prie de pardonner cette iniquité à votre serviteur, car j'ai fait une folie. » Alors le Seigneur parla à Gad, prophète de David, et lui dit, « Allez trouver David, et dites-lui, voici ce que dit le Seigneur. Je vous donne le choix de 3 choses. Choisissez celle que vous voudrez, et je suivrai votre choix. » Gad vint donc trouver David et lui dit, « Voici ce que dit le Seigneur. Choisissez ce que vous voudrez, ou de souffrir la famine durant 3 ans, ou de fuir devant vos ennemis durant 3 mois, sans pouvoir éviter leur glaive, ou d'être sous le glaive du Seigneur durant 3 jours, la peste étant dans vos états, et l'ange du Seigneur donnant la mort dans toutes les terres d'Israël. Voyez donc ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. » Et David dit à Gad, « De tous côtés l'angoisse me presse. Cependant, il est meilleur pour moi de tomber entre les mains du Seigneur, car il est plein de miséricorde, que dans les mains des hommes. » Le Seigneur envoya donc la peste en Israël, et il mourut 70 000 Israélites. Il envoya aussi son ange à Jérusalem pour la frapper, et comme elle était frappée, le Seigneur la regarda, et fut touché de compassion d'une plaie si terrible. Il dit donc à l'ange exterminateur, « C'est assez. « Arrêtez votre main. » Or l'ange du Seigneur était près de l'air d'Ornan, le Jébuséen. Et David, levant les yeux, vit l'ange du Seigneur qui était entre le ciel et la terre et qui avait à la main une épée nue et tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens qui étaient avec lui, couverts de cilice, se prosternèrent en terre. Et David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai commandé de faire ce dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché. C'est moi qui ai commis le mal. Quant à ce troupeau, qu'a-t-il mérité? Tournez donc, je vous prie, Seigneur mon Dieu, votre main contre moi et contre la maison de mon père, mais épargnez votre peuple. » Alors l'ange du Seigneur commanda à Gad de dire à David de venir et de dresser un autel au Seigneur Dieu dans l'air d'Ornan, le Jébuséen. David y monta donc, suivant l'ordre que Gad lui en avait signifié de la part de Dieu. Mais Ornan et ses 4 fils, ayant levé les yeux et vu l'ange, se cachèrent, car ils battaient alors leurs grains dans leur aire. Lors donc que David approchait, Ornan l'aperçut, et sortant de son aire pour aller au-devant de lui, il se prosterna devant lui jusqu'à terre. David lui dit, « Donnez-moi la place qu'occupe votre aire, afin que j'y dresse un autel au Seigneur, et que je fasse cesser cette plaie de dessus le peuple, et je vous en payerai le prix qu'elle vaut. » Ornan dit à David, « Le roi monseigneur n'a qu'à la prendre et à en faire ce qui lui plaira. Je lui donnerai aussi les bœufs pour l'holocauste, les traîneaux en guise de bois, et le blé qui est nécessaire pour le sacrifice. Je donnerai toutes ces choses avec joie. » Le roi David lui dit, « Il n'en sera pas ainsi, mais je vous en payerai le prix. » Car je ne dois pas vous dépouiller pour offrir au Seigneur des holocaustes qui ne me coûtent rien. » David donna donc à Ornan pour l'emplacement 600 sicles d'or d'un poids très juste. Et il dressa là un autel au Seigneur, et y offrit des holocaustes et des hosties pacifiques. Et il invoqua le Seigneur qui l'exauça en faisant descendre le feu du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alors le Seigneur commanda à l'ange de remettre son épée dans le fourreau, ce qu'il fit. Et aussitôt David, voyant que le Seigneur l'avait exaucé dans l'air d'Ornan le Jébuséen, lui immola des victimes en ce lieu. Le tabernacle du Seigneur que Moïse avait construit dans le désert et l'autel des holocaustes étaient alors au haut lieu de Gabaon. et David ne put pas aller jusqu'à cet autel pour y offrir sa prière à Dieu, car il avait été frappé d'une trop grande frayeur en voyant l'épée de l'ange du Seigneur. Et David dit, « C'est ici la maison de Dieu, et c'est ici l'autel qui doit servir pour les holocaustes d'Israël. » Et il commanda qu'on assemblât tous les prosélytes qui étaient dans le pays d'Israël, et il en prit pour tirer les pierres des carrières, pour les tailler et les polir en vue de la construction du temple. Il prépara aussi du fer en abondance pour les clous des portes et pour les crampons et jointures, et de l'airain en poids innombrable. Les Tyriens et les Sidoniens apportèrent aussi à David du bois de cèdre dont on ne pouvait estimer la quantité. Et David dit, « Mon fils Salomon est encore jeune et délicat, et la maison que je désire qu'on bâtisse au Seigneur doit être telle qu'on en parle avec admiration dans tous les pays. Je veux donc lui préparer toutes les choses nécessaires. » Et c'est pour cela qu'avant sa mort, il fit tous les préparatifs. Ensuite, il appela Salomon et lui ordonna de bâtir un temple au Seigneur Dieu d'Israël. Il lui dit donc, « Mon fils, j'avais conçu le dessein de bâtir un temple au nom du Seigneur mon Dieu. Mais Dieu m'a parlé en disant, « Vous avez répandu beaucoup de sang, et vous avez fait des guerres nombreuses. Vous ne pourrez pas bâtir un temple à mon nom, après tant de sang répandu en ma présence. Vous aurez un fils, dont la vie sera tout à fait tranquille, et à qui je donnerai le repos du côté de tous ses ennemis d'alentour. C'est pourquoi il sera appelé pacifique. Je donnerai la paix et le repos en Israël durant tout son règne. C'est lui qui bâtira un temple à mon nom. Il sera mon fils, et moi, je serai son père, et j'affermirai à jamais le trône de son règne sur Israël. Que le Seigneur soit donc maintenant avec toi, mon fils, et sois heureux. Et bâtis une maison au Seigneur ton Dieu, comme il l'a prédit de toi. Qu'il te donne aussi la sagesse et le sens afin que tu puisses conduire Israël et garder la loi du Seigneur ton Dieu. Car c'est alors que tu seras heureux si tu observes les commandements et les lois qu'il a ordonnées à Moïse d'enseigner à tout Israël. Sois fort, agis en homme de cœur, et ne crains et ne redoute rien. Voici que dans ma pauvreté, j'ai préparé de quoi fournir aux dépenses de la maison du Seigneur. 100 000 talents d'or et 1 000 000 talents d'argent, avec une quantité d'airain et de fer dont on ne peut dire le poids ni le nombre. En outre, j'ai préparé du bois et des pierres pour tous les besoins. Tu as aussi de nombreux ouvriers, des tailleurs de pierre, des maçons, des ouvriers sur bois et des hommes qui excellent dans toutes sortes d'autres ouvrages, soit en or ou en argent, en cuivre ou en fer dont on ne peut dire le nombre. Lève-toi donc et agis, et le Seigneur sera avec toi. » David commanda en même temps à tous les chefs d'Israël d'aider son fils Salomon. « Vous voyez, leur dit-il, que le Seigneur votre Dieu est avec vous, et qu'il vous a donné du repos de tous côtés, qu'il a livré tous vos ennemis entre vos mains, et que le pays est assujetti devant le Seigneur et devant son peuple. Disposez donc vos cœurs et vos âmes pour chercher le Seigneur votre Dieu. Levez-vous et bâtissez un sanctuaire au Seigneur Dieu, afin que l'arche de l'Alliance du Seigneur et les vases qui sont consacrés au Seigneur soient transportés dans cette maison qu'on va bâtir à son nom. » David, étant donc âgé et plein de jours, établit son fils Salomon, roi sur Israël. Et il assembla tous les princes d'Israël, avec les prêtres et les lévites. On dénombra les lévites à partir de 30 ans et au-dessus, et on en trouva 38 000. Parmi eux, on en choisit 24 000, qui qui furent distribués dans les divers offices de la maison du Seigneur, et 6 000 pour être magistrats et juges. Il y eut 4 000 portiers, et autant de chantres qui chantaient les louanges du Seigneur sur les instruments que David avait fait faire à cette fin. Et David les distribua par classe, selon les branches des fils de Lévi, celles de Gerson, de Kahat et de Merari, fils de Gerson, Léédan et Séméi, fils de Léédan, Jaïel, l'aîné, Zétan et Joël, 3. Fils de Séméi, Salomit, Oziel et Aran, 3. Ce sont là les chefs des familles de Léédan. Fils de Séméi, Léhet, Ziza, Jaüs et Bara. Ce sont là les 4 fils de Séméi. Léhet étant donc l'aîné, Ziza le second. Or, Jaüs et Baria n'eurent pas beaucoup de fils. C'est pourquoi on les comprit sous une seule famille et une seule maison. Fils de Kahat, Amram, Isahar, Hébron et Oziel, 4 en tout. Fils d'Amram, Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour servir à jamais, lui et ses enfants, dans le sanctuaire, pour offrir l'encens au Seigneur selon ses rites et pour bénir éternellement son nom. Or, les fils de Moïse, l'homme de Dieu, furent comptés dans la tribu de Lévi. Fils de Moïse, Gersom et Eliezer. Fils de Gersom, Subuel le premier. Eliezer eut pour fils Robia, qui fut un chef. Et Eliezer n'eut point d'autre fils. Mais Robia eut un très grand nombre de fils. Fils d'Isaar, Salomit le premier. Fils d'Hébron, Jériahu le premier, Amarias le second, Jahaziel le troisième, Jekmam le quatrième. Fils d'Oziel, Mika le premier et Jézia le second. Fils de Merari, Moholi et Musi. Fils de Moholi, Éléazar et Sis. Éléazar mourut sans avoir de fils, et il ne laissa que des filles, qui furent mariées aux fils de Sis, leurs cousins. Fils de Musi, Moholi, Éder et Jérimoth au nombre de 3. Ce sont là les fils de Lévi selon leurs branches et leurs familles, les chefs selon l'ordre et le nombre des individus qui s'acquittaient des différents ministères dans la maison du Seigneur depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Car David avait dit « Le Seigneur Dieu d'Israël a donné la paix à son peuple et l'a établi dans Jérusalem à jamais. Les Lévites ne seront donc plus obligés de transporter le tabernacle avec tous les vases destinés à son service. » D'après les dernières ordonnances de David, on comptera à l'avenir le nombre des fils de Lévi depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Et ils seront soumis aux fils d'Aaron pour le service de la maison du Seigneur, soit dans les vestibules ou dans les chambres du peuple, soit dans le lieu de la purification ou dans le sanctuaire, soit dans toutes les fonctions qui regardent le ministère du temple du Seigneur. Mais les prêtres auront l'intendance sur les pains de proposition, sur le sacrifice de farine, sur les beignets de pâte sans levain, sur ce qu'on frit dans les poêles, sur les épis que l'on rôtit au feu, et sur tous les poids et sur toutes les mesures. Les Lévites devront aussi se trouver dès le matin pour chanter les louanges du Seigneur, et ils le feront aussi le soir, tant au sacrifice des holocaustes qu'on offre au Seigneur qu'au jour de sabbat, au premier jour des mois et aux autres solennités, selon le nombre et les cérémonies que l'on doit garder en chaque chose, se tenant continuellement en la présence du Seigneur. Et ils observeront les ordonnances relatives au tabernacle de l'Alliance et au culte du sanctuaire, et ils rendront une respectueuse obéissance aux prêtres fils d'Aaron qui sont leurs frères, pour s'acquitter de leur ministère dans la maison du Seigneur. Voici les classes des fils d'Aaron. Fils d'Aaron, Nadab, Abiu, Éléazar et Ithamar. Mais Nadab et Abiu moururent avant leur père sans laisser d'enfants. Et Éléazar et Ithamar firent toutes les fonctions sacerdotales. David divisa donc la famille de Sadoc qui venait d'Éléazar et celle d'Ahimélec qui descendait d'Ithamar afin qu'elles s'acquittassent alternativement du ministère. Mais il se trouva beaucoup plus de chefs de famille issus d'Éléazar que d'Ithamar. Et il distribua les fils d'Éléazar en 16 familles, chaque famille ayant son chef, et se dit Tamar en 8 seulement. Il distribua encore les fonctions de l'une et de l'autre famille par le sort, car les chefs du sanctuaire et les chefs de Dieu étaient soit des fils d'Éléazar, soit des fils d'Itamar. Séméias, fils de Nathanaël, secrétaire lévite, en dressa le rôle, en présence du roi et des princes, du prêtre Sadoc et d'Ahimélech, fils d'Abiatar, et devant les chefs des familles sacerdotales et lévitiques. Prenant d'abord une maison d'Éléazar, qui commandait à d'autres, puis une maison d'Itamar, qui en avait plusieurs autres sous elle. Ainsi, le premier sort échut à Joyarib, le second à Gédéi, le troisième à Harim, le quatrième à Séorim, le cinquième à Melchia, le sixième à Mayaman, le septième à Akos, le huitième à Abia, le neuvième à Jésua, le dixième à Sekenia, le onzième à Eliasib, le douzième à Jassim, le treizième à Opha, le quatorzième à Isbaab, le quinzième à Belga, le seizième à Emer, le dix-septième à Ézir, le dix-huitième à Aphès, le dix-neuvième à Phétéia, le vingtième à Ézéchiel, le vingt-et-unième à Jacquin, le vingt-deuxième à Gamul, le vingt-troisième à Dalaïahu, le vingt-quatrième à Maaziahu. Telles furent leurs classes, selon leur ministère, pour entrer dans la maison du Seigneur, et, suivant leur rite, être sous la main d'Aaron, leur père, comme le Seigneur Dieu d'Israël l'avait commandé. Or, des fils de Lévi qui restaient, Subaël était des fils d'Amram, et Gédéia des fils de Subaël. Parmi les fils de Rohobia, le chef était Jézias. Salémoth était fils d'Isaar, et Jahath était fils de Salémoth. Le fils aîné de Jahath fut Jériahu, le second Amarias, le troisième Jahaziel, le quatrième Jekmaan. Le fils d'Oziel fut Mika. Le fils de Mika fut Samir. Jézia était frère de Mika, et Zacharie était fils de Jézia. Fils de Merari, Moholi et Musi. Oziahu eut un fils nommé Beno. Autre fils de Merari, Oziahu, Soham, Zakur et Ébri. Moholi eut un fils nommé Éléazar qui n'eut point d'enfant. Jéraméel était fils de Sis, fils de Musi, Moholi, Éder et Jérimoth. Ce sont là les fils de Lévi, comptés selon leurs diverses familles. Eux aussi, avec leurs frères, les fils d'Aaron, tirèrent au sort en présence du roi David, de Sadoc, d'Ahimélec et des chefs des familles sacerdotales et lévitiques. Tous se tiraient au sort pour diviser également les offices entre les anciens ou les plus jeunes. David et les officiers de l'armée mirent à part pour le service les fils d'Azaph, d'Aiman et d'Éditain, qui prophétisaient en s'accompagnant de guitares, de harpes et de cymbales, s'employant chacun à remplir les offices qui leur étaient destinés à proportion de leur nombre. Des fils d'Azaph, il y avait Zakur, Joseph, Nathania et Azarela, tous fils d'Azaph, qui prophétisaient selon l'ordre du roi. Pour ce qui est d'Éditain, ses fils étaient Godolias, Sori, Jézéias, Azabias, Matathias, six sous la direction d'Iditain leur père, qui prophétisait sur la harpe et conduisait des chantres lorsqu'il faisait retentir les louanges du Seigneur. Quant à Aiman, ses fils étaient Bokiahu, Mataniahu, Oziel, Subuel, Jérimoth, Adanias, Anani, Eliata, Gedelti, Romemtiezer, Jezbakassa, Meloti, Otir, Maaziot. Tout cela était fils d'Aiman, lequel était prophète du roi, chantant les louanges de Dieu pour exalter sa puissance. Et Dieu donna à Aiman 14 fils et 3 filles. Ces fils d'Azaph, d'Iditain et d'Aiman avaient donc été tous distribués sous la conduite de leur père pour chanter dans le temple du Seigneur, en jouant des cymbales, des harpes et des guitares, et pour les divers ministères de la maison du Seigneur selon l'ordre du roi. Or leur nombre, avec celui de leurs frères qui étaient habiles et qui montraient aux autres à chanter les louanges du Seigneur, était de 288. et ils tirèrent au sort par classe, sans faire exception de personne, soit jeunes ou vieux, soit habiles ou moins habiles. Le premier sort échut à Joseph, qui était de la maison d'Azaph. Le second à Godolias, tant pour lui que pour ses fils et ses frères, qui étaient au nombre de 12. Le troisième à Zaccur, pour lui, ses fils et ses frères, qui étaient au nombre de 12. Le quatrième à Isari, à ses fils et à ses frères, au nombre de 12. Le cinquième à Nathanias, à ses fils et à ses frères, au nombre de 12. Le sixième à Bokiahu, à ses fils et à ses frères, au nombre de 12. Le septième à Israéla, à ses fils et à ses frères, au nombre de 12. Le huitième à Jésaïa, à ses fils et à ses frères, au nombre de 12. Le neuvième à Matanias, à ses fils et à ses frères, au nombre de 12. Le dixième à Séméia, à ses fils et à ses frères, au nombre de 12. Le onzième à Azaréel, à ses fils et à ses frères, au nombre de 12. Le douzième à Azabias, à ses fils et à ses frères, au nombre de 12. Le treizième à Subaël, à ses fils et à ses frères, au nombre de 12. Le quatorzième à Matathias, à ses fils et à ses frères, au nombre de 12. Le quinzième à Jérimoth, à ses fils et à ses frères, au nombre de 12. Le seizième à Ananias, à ses fils et à ses frères, au nombre de 12. Le dix-septième à Jesbakassa, à ses fils et à ses frères, au nombre de 12. Le dix-huitième à Anani, à ses fils et à ses frères, au nombre de 12. Le dix-neuvième à Méloti, à ses fils et à ses frères, au nombre de 12. Le vingtième à Eliata, à ses fils et à ses frères, au nombre de 12. Le vingt-et-unième à Otir, à ses fils et à ses frères, au nombre de 12. Le vingt-deuxième à Gedelti, à ses fils et à ses frères, au nombre de 12. Le vingt-troisième à Maaziot, à ses fils et à ses frères, au nombre de 12. Le vingt-quatrième à Romem-Tiézer, à ses fils et à ses frères, au nombre de 12. Classe des portiers. Des fils de Corée, Mézélémia, fils de Corée, d'entre les fils d'Azaph. Fils de Mézélémia, Zacharie l'aîné, Jadiel le second, Zabadias le troisième, Jatanaël le quatrième, Élam le cinquième, Johanan le sixième, Elioénaï le septième. Fils de Bédédom, Séméias l'aîné, Josabad le second, Joa le troisième, Sakar le quatrième, Nathanaël le cinquième, Amiel le sixième, Issachar le septième et Pholati le huitième, car le Seigneur l'avait béni. À Séméi, son fils, naquirent des fils, qui furent chefs de leur famille, car ils étaient des hommes très forts. Fils de Séméi, Otni, Raphaël et Obed, Elzabad, ses frères, hommes très forts pour le service, et Eliu et Samachias. Tous ceux-là étaient des fils d'Obededom. Eux, leurs fils et leurs frères, étaient pleins de force pour leur service. 62 de la maison d'Obededom. Les fils de Mézélémia et leurs frères, très forts aussi, étaient 18. Dosa, qui descendait de Merari, est venu Semri, qui était le chef, car il n'y a point d'aîné, et son père lui avait donné le premier rang. Elsias était le second, Tabélias le troisième, Zacharie le quatrième. Tous les fils et les frères d'Osa étaient au nombre de 16. Voilà quelle était la distribution des portiers, en sorte que les chefs des gardes, comme leurs frères, servaient toujours dans la maison du Seigneur. On tira donc au sort pour chaque porte, avec une égalité entière, grands ou petits, selon leur famille. La porte d'Orient échut à Sélémias. Zacharie, son fils, homme très sage et habile, eut celle du septentrion. Obededom, avec ses fils, fut chargé de celle du Midi, où était aussi le conseil des anciens. Ses filles et Osa furent placées à l'occident, près de la porte qui conduit au chemin de la montée. Une garde était vis-à-vis de l'autre. Il y avait à l'Orient 6 lévites, et au septentrion 4 par jour. Il y en avait aussi 4 par jour au Midi, et là où se tenait le conseil, ils servaient 2 à 2. Il y en avait aussi 4 aux cellules des portiers à l'occident sur le chemin, 2 par cellule. Telles sont les classes des portiers, fils de Corée et de Merari. Achias avait la garde des trésors de la maison de Dieu et des vases sacrés. Fils de Lédan, fils de Gersoni. De Lédan viennent les chefs de famille Lédan, Gersoni et Jéhéli. Fils de Jéhéli, Zatan et Joël, son frère, gardaient les trésors de la maison du Seigneur. avec ceux de la famille d'Amram, d'Isaar, d'Hébron et d'Oziel. Subaël, fils de Gersom, fils de Moïse, était préposé au trésor. Son frère Eliezer eut pour fils Rahabia, qui fut père d'Isaïe, et Isaïe le fut de Joram, Joram de Zécri et Zécri de Sélémite. Sélémite et ses frères étaient chargés des trésors du sanctuaire que le roi David, les princes des familles, les tribuns, les centurions et les chefs de l'armée avaient consacrés, c'est-à-dire des dépouilles remportées dans les guerres et les combats qu'ils avaient consacrés pour la restauration du temple du Seigneur et pour son mobilier. Le prophète Samuel consacra donc toutes ces choses, ainsi que Saül, fils de Cis, Abner, fils de Ner, Joab, fils de Sarvia. Tous ceux qui offraient des présents les mettaient entre les mains de Sélémite et de ses frères. Ceux de la famille d'Isaar avaient à leur tête Conénias et ses fils, et ils étaient chargés des affaires extérieures, c'est-à-dire d'instruire et de juger Israël. Azabias, de la famille d'Hébron, et ses frères, hommes très forts au nombre de 1700, gouvernaient les Israélites au-delà du Jourdain vers l'Occident pour toutes les affaires du Seigneur et pour le service du roi. Jéria fut un des chefs de la postérité d'Hébron selon ses familles et ses branches. La 40e année du règne de David, on en fit le dénombrement à Jazer de Galaad, et l'on trouva qu'eux et leurs frères, tout ce genre de cœur et à la force de l'âge, étaient au nombre de 2700 chefs de famille. Or David les établit sur la tribu de Ruben, sur celle de Gad et sur la demi-tribu de Manassé pour tout ce qui regardait le service de Dieu et du roi. Or, le nombre des fils d'Israël qui servaient le roi par brigade et qu'on relevait tous les mois de l'année était de 24 000 hommes à chaque fois, chaque brigade ayant ses chefs de famille, ses tribuns, ses centurions et ses préfets. La première troupe, pour le premier mois, était commandée par Jesboam, fils de Zabdiel, qui avait sous lui 24 000 hommes. Il était de la maison de Pharès et le premier de tous les chefs de l'armée au premier mois. Du dia, Lahoïte commandait les troupes du second mois, et il avait sous lui Masselot, qui commandait une partie de cette armée de 24 000 hommes. Le chef de la troisième troupe était le prêtre Banaïas, fils de Joïada, et il avait sous lui 24 000 hommes. C'est ce même Banaïas qui était très vaillant parmi les 30 et sur les 30. Son fils, Amizabad, commandait sous lui sa brigade. Le quatrième chef pour les troupes du quatrième mois était Azaël, frère de Joab, et Zabadias, son fils, commandait après lui. Sa brigade était de 24 000 hommes. Le cinquième chef, pour le cinquième mois, était Samaoth de Gézer, et son armée était de 24 000 hommes. Le sixième, pour le sixième mois, était Ira, fils d'Akès, de la ville de Tekua, et sa brigade était de 24 000 hommes. Le septième, pour le septième mois, était Élès, le Phalonite, de la tribu d'Éphraïm. Son armée était de 24 000 hommes. Le huitième, pour le huitième mois, était Sobokaï, le Uzatite, de la race de Zaraï. Sa brigade était de 24 000 hommes. Le neuvième, pour le neuvième mois, était Abiezer d'Anatot, des fils de Gémini. Sa brigade était de 24 000 hommes. Le dixième, pour le dixième mois, était Maraï de Netophat, qui descendait de Zaraï. Sa brigade était de 24 000 hommes. Le onzième, pour le onzième mois, était Banaïas de Pharaton, de la tribu d'Éphraïm. Sa brigade était de 24 000 hommes. Le douzième, pour le douzième mois, était Holdaï de Netophat, qui descendait de Gotoniel, et sa brigade était de 24 000 hommes. Or, voici les chefs des tribus d'Israël. Dans la tribu de Ruben, Eliezer, fils de Zécri. Dans celle de Siméon, Saphatias, fils de Maaka. Dans celle de Lévi, Azabias, fils de Kamuel. Dans la branche d'Aaron, Sadoc. Dans la tribu de Juda, Élu, frère de David. Dans celle d'Issacar, Amri, fils de Mikael. Dans celle de Zabulon, Jesmaïas, fils d'Abdias. Dans celle de Nephtali, Jérimoth, fils d'Ozriel. Dans celle d'Éphraïm, Osée, fils d'Ozazu. Dans la demi-tribu de Manassé, Joël, fils de Fadaïa. Et dans l'autre moitié de la tribu de Manassé, en Galaad, Jado, fils de Zacharie. Dans la tribu de Benjamin, Jaziel, fils d'Abner. Dans celle de Dan, Ezriel, fils de Jéroam. tels étaient les chefs des fils d'Israël. Or David ne voulut point compter ceux qui étaient au-dessous de 20 ans, parce que le Seigneur avait dit qu'il multiplierait Israël comme les étoiles du firmament. Joab, fils de Sarvia, avait commencé de faire le dénombrement. Mais il ne l'acheva pas, parce que cette entreprise avait attiré la colère de Dieu sur Israël. Et c'est pour cela que le nombre de ceux qu'on avait déjà comptés n'est pas écrit dans les fastes du roi David. L'intendant des trésors du roi était Azmoth, fils d'Adiel. Celui des trésors qui était dans les villes, les villages et les châteaux forts était Jonathan, fils d'Ozias. Ezri, fils de Kelub, dirigeait le travail de la campagne et les laboureurs qui cultivaient la terre. Semeias, le romatite, ceux qui travaillaient aux vignes. Zabdias et Laphonite étaient préposés aux caves et aux celliers. Balanan de Gédère aux oliviers et aux figuiers de la campagne, et Joas aux magasins d'huile. Les troupeaux que l'on faisait paître à Saron étaient sous la charge de Sétraï le Saronite, et les bœufs qu'on nourrissait dans les vallées sous celle de Saphat, fils d'Adli. Ubil, l'Ismaélite, avait la charge des chameaux, Jadias de Méronath, celle des ânes, et Jaziz, l'Agaréen, celle des brebis. Tout cela avait l'intendance sur les biens du roi David. Jonathan, oncle de David, homme sage et savant, était un de ses conseillers. Lui et Jaïel, fils d'Acamon, étaient près des enfants du roi. Achitophel était aussi du conseil du roi, et Cusaï, l'Arakite, était l'ami du roi. Joïada, fils de Banaïas, et Abiatar furent conseillers après Achitophel. Joab était le généralissime de l'armée du roi. David assembla donc à Jérusalem tous les princes d'Israël, les chefs des tribus et les généraux des brigades qui étaient à son service, les tribuns et les centurions, et tous les officiers du domaine du roi, ses fils, les eunuques, avec les plus puissants et les plus braves de l'armée. Et s'étant levé et demeurant debout, il leur dit « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple, j'ai eu la pensée de bâtir un temple pour y faire reposer l'arche de l'Alliance du Seigneur, le marchepied de notre Dieu, et j'ai tout préparé pour la construction. Mais Dieu m'a dit, vous ne bâtirez point une maison à mon nom, parce que vous êtes un homme de guerre, et que vous avez répandu le sang. Mais le Seigneur Dieu d'Israël m'a choisi dans toute la maison de mon père pour me faire roi à jamais sur Israël. Car c'est de la tribu de Juda qu'il a choisi vos princes. Il a choisi la maison de mon père dans cette tribu, et parmi les fils de mon père, il lui a plu de me choisir pour roi de tout Israël. De plus, le Seigneur m'ayant donné beaucoup de fils, il a aussi choisi parmi eux Salomon, mon fils, pour le faire asseoir sur le trône du royaume du Seigneur sur Israël. Et il m'a dit, « Salomon, votre fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai son père. » Et j'affermirai son règne à jamais, pourvu qu'il persévère dans la pratique de mes préceptes et de mes jugements, comme il fait aujourd'hui. Maintenant donc je vous conjure, en présence de toute l'assemblée d'Israël, et devant notre Dieu qui nous entend, de garder et de rechercher tous les commandements du Seigneur notre Dieu, afin que vous possédiez cette terre excellente, et que vous la laissiez à jamais à vos fils après vous. Et toi, mon fils Salomon, connais le Dieu de ton père, et sers-le avec un cœur parfait et une pleine volonté, car le Seigneur sonde tous les cœurs, et il pénètre toutes les pensées des esprits. Si tu le cherches, tu le trouveras, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera à jamais. Maintenant donc, puisque le Seigneur t'a choisi pour bâtir la maison de son sanctuaire, fortifie-toi et agis. Or David donna à son fils Salomon le modèle du vestibule, celui du temple, des garde-meubles, des chambres hautes, des chambres intérieures et du propitiatoire, et de tous les parvis qu'il voulait faire, et des chambres qui devaient être tout autour pour garder les trésors de la maison du Seigneur et les trésors du sanctuaire. Il lui indiqua aussi les classes sacerdotales et lévitiques pour toutes les fonctions de la maison du Seigneur et tous les ustensiles qui devait servir dans le temple du Seigneur. Le poids que devaient avoir tous les différents vases d'or et le poids que devaient avoir aussi ceux d'argent selon leurs divers emplois. Il donna aussi l'or qu'il fallait pour les chandeliers d'or avec leurs lampes et l'argent pour les chandeliers d'argent avec leurs lampes à proportion de leurs différentes grandeurs. Il donna de même de l'or pour les tables de proposition selon leurs diverses mesures et de l'argent pour faire d'autres tables en argent. De même pour les fourchettes, les coupes et les encensoirs d'un or très pur et pour les petits lions d'or proportionnant le poids de l'or à la grandeur de chacun de ces petits lions et donnant aussi de l'argent pour les lions d'argent selon la mesure de chacun d'eux. Il donna de l'or le plus pur pour faire l'autel des parfums et les chérubins qui formaient la ressemblance d'un char et qui, étendant leurs ailes, couvraient l'arche de l'alliance du Seigneur. « Toutes ces choses, dit le roi, me sont venues écrites de la main de Dieu, afin que j'eusse l'intelligence de tous les ouvrages suivant le modèle. » David dit encore à son fils Salomon, « Agis en homme de cœur, fortifie-toi et à l'œuvre. Ne crains et ne redoute rien, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi et ne t'abandonnera pas, que tu n'aies achevé tout ce qui est nécessaire pour le service de la maison du Seigneur. » Voici les classes des prêtres et des lévites qui seront toujours avec toi pour tout le service de la maison du Seigneur. Ils sont prêts et les princes, aussi bien que le peuple, sont disposés à exécuter tous tes ordres. Le roi David dit ensuite à toute l'assemblée, « Dieu a choisi mon seul fils Salomon, bien qu'il soit encore jeune et délicat. L'entreprise est grande, car ce n'est pas pour un homme, mais pour Dieu que nous préparons une maison. Pour moi, j'ai préparé de toutes mes forces les dépenses de la maison de mon Dieu, de l'or pour les vases d'or et de l'argent pour ceux d'argent, de l'airain pour ceux d'airain, du fer pour ceux de fer et du bois pour ceux de bois. » Et des pierres d'onyx, et des pierres blanches, et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses, et du marbre de Paros en quantité. Et outre ces choses que j'ai offertes pour la maison de mon Dieu, je donne encore de mon propre bien de l'or et de l'argent pour le temple de mon Dieu, sans compter ce que j'ai préparé pour la maison sainte. 3000 talents d'or d'Ophir. Et 7000 talents d'argent très fin et très pur pour en revêtir les murailles du temple. Et partout où il faut de l'or, et partout où il faut de l'argent, que les travaux se fassent par les mains des ouvriers. Et si quelqu'un veut faire une offrande, qu'il remplisse aujourd'hui sa main et qu'il offre au Seigneur ce qui lui plaira. Les chefs des maisons et les princes des tribus d'Israël firent donc des promesses, comme aussi les tribuns, les centurions et les intendants du domaine du roi. Et ils donnèrent, pour les ouvrages de la maison de Dieu, 5000 talents d'or et 10 000 sols, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents de cuivre et 100 000 talents de fer. Tous ceux qui avaient quelques pierres précieuses les donnèrent aussi pour les trésors de la maison du Seigneur, par la main de Jaïel, le Gersonite. Et le peuple se réjouit en faisant ses offrandes volontaires, parce qu'il les offrait de tout leur cœur au Seigneur. Et le roi David aussi se réjouit d'une grande joie. Et il bénit le Seigneur devant toute cette multitude. Et il dit, « Vous êtes bénis, Seigneur Dieu d'Israël, notre Père, depuis l'éternité jusqu'à l'éternité. À vous, Seigneur, appartient la magnificence, la puissance, la gloire et la victoire, et à vous la louange, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à vous. À vous, Seigneur, le règne, et vous êtes au-dessus de tous les princes. À vous, les richesses, et à vous la gloire. C'est vous qui dominez sur toutes choses. La force et l'autorité sont dans votre main. Dans votre main sont la grandeur et le pouvoir sur tout. Maintenant donc, ô notre Dieu, nous vous rendons hommage et nous louons votre illustre nom. Qui suis-je et qu'est mon peuple pour que nous puissions vous promettre toutes ces choses? Tout est à vous et nous avons reçu de votre main ce que nous vous avons donné. Car nous sommes des étrangers devant vous et des voyageurs comme tous nos pères. Nos jours passent comme l'ombre sur la terre, et nous n'y demeurons qu'un moment. Seigneur notre Dieu, toutes ces richesses que nous avons préparées pour bâtir une maison à votre saint nom viennent de votre main, et toutes choses sont à vous. Je sais, mon Dieu, que c'est vous qui sondez les cœurs, et que vous aimez la simplicité. C'est pourquoi je vous ai offert toutes ces choses dans la simplicité de mon cœur et avec joie. Et j'ai été ravi de voir aussi tout ce peuple qui est assemblé en ce lieu vous offrir des présents. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, conservez éternellement cette volonté de leur cœur et que cette disposition de vous vénérer persiste toujours. Donnez aussi à mon fils Salomon un cœur parfait pour qu'il garde vos commandements, vos témoignages et observe vos cérémonies et accomplisse tous vos ordres et qu'il bâtisse votre maison dont j'ai préparé toutes les dépenses. David commanda ensuite à toute l'assemblée. Bénissez le Seigneur notre Dieu. Et toute l'assemblée bénit le Seigneur, le Dieu de leur père. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant Dieu et devant le roi. Et ils immolèrent des victimes au Seigneur. Et le lendemain, ils offrirent en holocauste 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux, avec leurs libations et tous les rites, en grande abondance pour tout Israël. Et ils mangèrent et burent ce jour-là devant le Seigneur avec une grande joie. Et ils oignirent une seconde fois Salomon, fils de David. Ils l'oignirent comme prince pour le Seigneur et Sadoc comme pontife. Et Salomon s'assit sur le trône du Seigneur pour régner à la place de David son père. Et il plut à tous, et tout Israël lui obéit. Et tous les princes et les grands et tous les fils du roi David lui donnèrent la main et se soumirent au roi Salomon. Dieu éleva donc Salomon sur tout Israël, et il combla son règne d'une gloire telle que nul roi d'Israël n'en avait eu avant lui de semblable. David, fils d'Isaïe, régna donc sur tout Israël, et la durée de son règne sur Israël fut de 40 ans. Il régna 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Et il mourut dans une heureuse vieillesse, comblé d'années, de biens et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Or, les actions du roi David, tant les premières que les dernières, sont écrites dans le livre du prophète Samuel et dans le livre du prophète Nathan et dans celui du prophète Gad, avec tout son règne, sa vaillance et les événements qui se passèrent sous lui, soit en Israël, soit dans tous les royaumes de la terre.